Et l'ange me dit, verset 7, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme. Le mystère quoi? Et de la bête qui la porte. Et qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était. Et elle n'est plus. Elle doit monter de la ville et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, pas n'importe qui, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, se tourneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réparera. Elle réparera cette bête. C'est ici l'intelligent qui a la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Une seule ville dans le monde entier où les 7 montagnes sont, il y a une 7 montagnes, c'est la ville de Rome. Donc on dit que les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme, l'église. Donc l'église a son siège dans une ville où il y a. Frère, Dieu a fait tout et tout pour que ça soit clair. La femme que tu as vue, l'église là, qui porte le nom de blasphème, qui tu as tué les chrétiens là, elle va loger dans un territoire sur la terre où il y a 7 montagnes. Et il a écrit ça en l'an 95. Plus de 600 années plus tard, le chef de l'église catholique va venir construire son petit au Vatican en disant qu'on va construire ça là. Il part à Rome. Il ne sait pas que c'était écrit que c'est là-bas qu'il va être. Frère, c'est merveilleux ça, non? C'est merveilleux. On continue. Donc, l'ange dit à l'apôtre Jean que je vais t'expliquer le mystère de la femme et de la bête qui la porte. La bête porte la femme. La bête porte la femme. Alors la bête c'est quoi? Matthieu chapitre 13. Vous voulez mettre la définition de la bête quand on parle de prophétie. D'accord? Ok. On continue, frère. Verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont, vous voyez, c'est la même chose qu'on a encore écrit là-bas. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, ça veut dire si ton nom n'est pas dans le livre de vie, tu montes, tu descends, tu vas seulement te mettre ton front au sol. Il n'y a pas de façon de faire l'écrit. N'essaie pas de chanter, écris mon nom, Seigneur, écris mon nom, ça ne sert à rien. Dis à ton voisin que le crayon de Dieu s'est cassé. Dis à ton voisin que le crayon de Dieu, lorsqu'il a fini d'écrire le nom, dès la fondation du monde, il a cassé le bout. Il y avait des tels crayons dans le royaume. Voilà. Vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il n'écrit plus de nom là de nouveau. Maintenant, dis à quelqu'un maintenant, mais il y a une chose que tu dois savoir. Le côté où il y a la gomme est encore neuve. Donc il peut effacer. Comme il a écrit déjà, il ne réécrit plus. Mais il peut effacer. Voilà. Donc c'est écrit pour toujours, pour effacer, mais il ne réécrit plus. On dit ce catégorie de personnes qui vont adorer ceux dont le nom n'a pas été écrit depuis la fondation. Donc quand Dieu, bien, vous montez, vous descendez, vous allez voir la semence prédestinée ici. Quand Dieu a créé avant que ses enfants étaient là, il a mis les noms dans la liste parce que chacun connaît ses enfants. Vous pouvez me dire que j'ai combien d'enfants, comment mettre 7 enfants alors que j'ai 2 enfants. Il connaît ses enfants. Et le vrai problème, c'est que toi et moi qui sommes ici, si tu sais que ton nom n'est pas écrit, monte, descends, tu ne pourras pas faire autrement. Mais si tu es là que ton nom est écrit, tu t'amuses, on peut plutôt effacer. Je vous ai expliqué plusieurs fois les 3 catégories là dans la Bible. N'est-ce pas bien aimé? Ok, donc. On dit donc que ce sont ces gens-là qui vont. Et on dit tous les habitants de la terre. Vous voyez comment. Je vous ai parlé du langage de Dieu chaque fois. Si on dit tous les habitants de la terre, tu crois qu'on peut dire tous les êtres humains sur la terre. Après, on dit ceux dont. Tous les habitants de la terre, ceux dont. Le nom n'a pas été écrit. Donc, c'est dans ce groupe qu'on avait dit que tous eux. Ce n'est pas tout le monde finalement. Dis à ton voisin le langage de Dieu. Le langage de Dieu. De la même façon, quand on dit par exemple que c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Ce n'est pas tous les hommes, les êtres humains sur la terre. Vous allez expliquer ça plusieurs fois, non? Parce qu'il ne peut pas vouloir que tous les hommes soient sauvés et que dès le départ, les gens, certaines personnes n'ont pas été écrites. Vous voyez, n'est-ce pas? Ok. Verset 9. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende. Regardez la façon que la personne t'explique parle. Regarde. Lorsqu'il parle à l'église, il va dire si celui qui a les oreilles entend ce que l'esprit dit aux églises. Ici, il dit que si quelqu'un a l'oreille qu'il entend, l'église n'est plus là. L'église n'est plus là. Ce n'est pas à l'église qu'on s'adresse. On avance. Verset 10. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. En fait, il veut dire que si quelqu'un est destiné pour la captivité, le langage qui est là-bas, c'est que si tu es destiné pour la captivité, de toute façon, tu y partiras. Je sais pourquoi on a traduit ça de cette façon-ci. Ce qu'il a dit, là, c'est que si quelqu'un est destiné pour la captivité, il va seulement partir. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Donc, si tu es destiné à être tué par l'épée, c'est pour ça que tu as sauf être tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Remarquez-toi de la façon dont on parle. On parle des saints cette fois-ci. On a dit que. On a trouvé la. On a trouvé le sang des saints chez elle. Maintenant, observez maintenant. C'est la bête, la seconde bête qui va faire des saints, que l'autre bête, on fait l'image de cette bête-là. Il y a une seconde bête qui va devenir. Bête. Déjà ici, est-ce qu'on a compris qui est cette bête? Je veux que tout le monde me dise. La bête, c'est qui? Mais attends, vous avez dit oui, tout le monde. Maintenant, dites-moi, qui est cette bête? Ou bien, je vais faire la personne. La bête, donc, qu'on a vu, c'est qui? La bête, c'est qui? Mais lorsque vous dites, c'est Rome. Rome, c'est une ville. Si tu dis l'église catholique, l'église catholique, c'est une construction. La Vatican, c'est un quartier. La papauté. Donc, ceux qui incarnent, là, ceux qui s'assèrent là-bas, on dit le dragon lui donna son trône. Vous avez vos frères qui sont les prêtres, non? Le dragon lui donna son trône et l'autorité pour qu'il exerce là. C'est un être humain. C'est pas un système. Pourquoi? Parce qu'on dit clairement que Satan sera jeté dans le feu là où il y a la paix. C'est pas ça? La paix doit être un être, c'est pas une église, c'est pas une institution. Oui. À ce cas si le trône a quitté Pergamon. Tu pensais que quoi? Vous savez, Satan a plusieurs trônes. Un peu comme écoutez bien, un peu comme Paul Biya. Vous savez qu'il y a la présidence de la République dans tous les cas, chez lui. S'il vient ici, il y a un endroit où le président c'est loge. Mais il a le principal à Yaoundé. S'il va à Bamenda, il y a un président là-bas, à Abuja, il y a un président. Vous savez ça? Oui. Ok, ce que vous savez comme ça là, Satan a une autre quartier général à Hollywood. Non, mais il a l'autre à Hollywood. Il y a l'autre à Pergam. L'autre à Pergam, c'est dans la zone de la Suisse. D'autres là-bas. Donc il a quartier général, il se promène. C'est comme un chef militaire, il se promène partout. Mais le principal, où quand il vient sur la terre, c'est sans aller au Vatican. Parce que c'est là-bas qu'il y a l'adoration. Les autres, là, le flac, c'est même pour avoir les biens de ce monde aussi. C'est là-bas qu'il y a l'adoration. Parce qu'il attire l'énergie de tous les peuples qui sont là-bas, tous les peuples, les langues, partout. Voilà pourquoi les démons les plus têtus, c'est les démons de la religion. Moi, je connais seulement trois églises, catholiques, protestants et les musulmans. On confond les musulmans à l'église maintenant. Vous voyez là, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, si on l'a identifié, disons rapidement où notre femme va venir. Verset 11. Puis j'ai vu monter de la terre. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête, vous y êtes, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Vous voyez, la façon que c'était. Si vous lisez seulement l'histoire des États-Unis, comment ils ont sorti en 700, avant la Constitution, les pères fondateurs, Abraham Lincoln et autres qui sont constitués parlaient des pays de la liberté, mais c'est à l'intérieur que la plus grande des corruptions, la plus grande des privations des libertés, des droits de l'homme, se trouve. Alors avant, ce n'est pas le temps de parler d'ici. Verset 2, elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Elle exerçait toute l'autorité. Donc maintenant, si vous regardez sur la terre, maintenant, vous allez remarquer comme si le gendarme du monde, c'est qui? Non. Vraiment? C'est les États-Unis. Les États-Unis, il veut être que l'ONU vote quelque chose qui ne va pas, il continue à partir. Il dit bien, les États-Unis veulent aller quelque part. Est-ce que les États-Unis ont voté? Est-ce que l'ONU a voté quelque chose pour qu'il parte pour la guerre en Irak? Ils sont partis. On leur donne les sanctions. Elles sont allées à aux États-Unis. Qui tente alors, il confirme. On dit que cette bête-ci, la deuxième-ci, a exercé toute l'autorité de la première bête. Donc il est censé voter. C'est Rome qui est censé dominer. Mais pour le moment, celle-ci exerce son autorité. En sa présence. Pourtant, cette autorité est là. Cette bête-là est là. Les deux sont sûrs. Mais c'est terrible, frère. Regardons. Elle opérait des grands signes. J'espère qu'il n'est pas sauté là. J'ai pas fini. Elle faisait la terre, voici 12, la partie B. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure montée avait été guérie. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Oui. Donc, pendant qu'elle exerce cette autorité-là, elle donne la fait à les gens avec les catholiques pour que tout le monde va vers là. Vous voyez ça, frère? Est-ce que vous voyez? Vous voyez, frère? Ok, avançons. Elle opérait des grands prodiges même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Vous voyez, on va parler dans Matthieu chapitre 4, chapitre 24, des signes dans le ciel. Les satellites qu'on va envoyer dans le ciel, qui vont aller toucher le ciel, le signe. Les gens vont aller dans le ciel. Les gens vont aller chercher des choses dans le ciel. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en sa présence. Et la bête, en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait. C'est là où le problème arrive maintenant, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, il peut parler. Tout à l'heure, il demandait que c'est qui vous avez dit Vatican. Il dit non, Vatican, c'est vrai, c'est une construction. Et vous dites que les catholiques, c'est une construction encore. Vous dites, c'est la papauté. Frère, il y a des choses qu'on va dénoncer, les gens ne vont pas comprendre pourquoi on veut dénoncer. C'est lorsque vous commencez à comprendre dans les profondeurs de ces gens des versets, vous allez comprendre pourquoi un homme s'élève au milieu des chrétiens. C'est un signe de l'antichrist. Parce que Dieu a fait que les frères, tous soient frères. Qu'il n'y ait pas quelqu'un qui s'élève au-dessus des autres. Parce qu'à l'instant où tu t'élèves au-dessus des autres, pour gouverner sur les autres, une puissance t'est donnée. Alors, la marque de la bête, c'est toute réplique qui est conforme à la marque principale de la première bête. Vous avez saisi? Ok. Donc, voici le langage de la Bible. Les États-Unis qui sont en présence du Vatican, simultanément avec l'Union européenne, vont imposer aux gens de fonctionner comme l'Église catholique fonctionne. Ils vont avoir les mêmes choses. S'ils ont une charte, ils devraient avoir une charte. S'ils ont les représentants, il faut que vous ayez les représentants. S'ils ont un archibishop, vous allez avoir un archibishop pour qu'ils puissent se réunir de cette façon-ci. L'image de la bête telle qu'il est, vous filmez les catholiques, vous filmez les protestants, ils sont identiques. Donc, imaginez que vous pensez qu'il devait parler d'une grande statue qu'on va construire, pas qu'on puisse adorer. Hein, mes chers amis, vous avez vous montré donc quelque chose pas. Tout à l'heure, on a lu Daniel, chapitre 3. On avait fait une statue pour que les gens adorent. N'est-ce pas? Okay. Observez la menace, observez. Dans le royaume babylonien, le principal Dieu qui était là-bas, c'est celui qui donnait l'interprétation, les oracles. Francis, j'ai dit quoi? Puisque c'est moi qui dis, pourquoi je te dis, dis-moi que c'est moi qui dis. J'ai dit quoi? Vous avez parlé de deux choses. Mm-hmm. La première qui était l'image de la bête. Oui. Je ne sais pas si c'est ce que vous demandez. Non, je dis ce qu'il vient de dire là maintenant. Ça veut dire dans le royaume babylonien. Oui. Le Dieu qui était là, c'était lui qui interprétait les oracles. Oui. L'image qui était là-bas, c'est l'image de Dieu qui interprétait les oracles. Je veux que vous saisissiez ce que j'en ai dit. L'image l'a représenté qui? Ça représente qui? Le nom de ce Dieu-là, c'est comment il s'appelle? Je vais poser la question. Le nom de Dieu, là, de la statue, c'était qui? Comment Daniel s'appelait? Donc c'était l'image de celui qui interprétait les oracles. L'église de Rome a la seule autorité sur la terre, d'après la théologie catholique, à interpréter les oracles de Dieu. J'ai dit, c'est lourd, ça. Ok, je vais revenir. Chapitre 2 de Daniel, Nebuchadnezzar a un rêve. Il ne va même pas donner l'explication. On dit que voici, il y a quelqu'un dans ton royaume qui a l'esprit des dieux. Ce n'est pas une chose, c'est que l'esprit des dieux habite en lui. Il peut donner l'interprétation. Quelle est alors l'interprétation? Remarquez très bien, lorsqu'on avait pris Daniel, déjà du peuple juif, pour les mettre à part, on lui a donné le nom de Belshazzar directement. Alors, on a donné le nom avant après qu'il ait interprété. On l'a vu, on l'a donné, quand on est à Abednego ici, Shadra, Meshach ici, qui sont les noms babyloniens, on a tout de suite tourné vers lui, on a dit, ben Shadra. Alléluia. Ok, maintenant, c'est Belshazzar qui va aller donner l'interprétation au roi. Regardez bien, je veux que vous voyez les images qui sont présentées. Voici Belshazzar qui va vers le roi. Et ce roi-ci va faire en sa présence qui est cette image ici pour que les gens puissent adorer. C'est. Vous faites n'importe quoi avec la Bible, ça doit être partout là-bas. On a dit ici qu'il y avait deux bêtes. La bête qui montait de la terre faisait que l'autre bête qui était en sa présence, il gouvernait en sa présence. Mais observez bien que celui-ci manifestait toute sa puissance alors que celle-ci était présente. Il dit dans Daniel là maintenant. Ok. Nebuchadnezzar, celui qui avait l'autorité. Le Dieu qui était adoré, c'était Belshazzar. Mais Nebuchadnezzar avait l'autorité. Mais celui qui a été adoré était Belshazzar. Mais c'est Nebuchadnezzar qui faisait que tout le monde adore Belshazzar. Et Belshazzar, c'est celui qui donne l'interprétation au roi. Celui qui va vers les rois. Souvenez-vous, je ne parle plus de Daniel. C'est Daniel qui joue ce rôle-là de prophétie. Tu comprends ma soeur Ali, parce que tu vas rentrer, vous allez faire des rêves là-bas. Vous avez compris le scénario, frère? Je dis, dans Apocalypse chapitre 13, il y a deux bêtes. L'une qu'on veut identifier et l'autre qui est un pouvoir politique. Il dit, ce pouvoir politique qui va susciter, qui est sorti, exerce toute l'autorité de cette bête-ci. En sa présence, le Dieu doit être côte à côte. Alors dans le livre des on a lu ça tout à l'heure, quand on a lu le chapitre 13, j'ai retrouvé dans Daniel. Il faut que toutes ces choses-là collent dans Daniel. Dans le livre de Daniel, donc, tout le peuple est réuni et c'est un roi qui a ordonné. C'est un roi qui a ordonné qu'on adore cette bête. C'est un roi qui a ordonné. Ce n'est pas la bête qui a dit adorez-moi. C'est eux qui ont fait l'image de la bête. L'image de la bête pour qu'on puisse l'adorer. Est-ce que vous me saisissez? Ok. Et cette bête dont on devait adorer s'appelait. Et Daniel s'appelait. C'est prophétiquement qu'on a donné le nom Belshazzar pour qu'on puisse comprendre ce qu'on a décrit dans l'Apocalypse ici. Le nom Belshazzar a été donné du nom de Dieu que Nebuchadnezzar servait. Comment il lui a donné le nom là? C'est pas parce que Daniel n'est pas d'abord venu lui donner les interprétations avant qu'on a donné le nom. Remarquez au chapitre 1, chapitre 2. On a donné le nom Belshazzar à Daniel. Du nom de Dieu de Nebuchadnezzar. Alors donc, l'image prophétique qui est présentée, c'est ceci. Le pouvoir politique qui sera en place, qui va exercer toute l'autorité de la l'autre bête en sa présence, c'est ce pouvoir gouvernemental, donc du politique, qui dit qu'on adore celui-ci, le Dieu qui est derrière celui-ci, qui est censé donner les oracles. Donc Belshazzar représente cette personne-là qui interprète les oracles. Or, Belshazzar, ce n'était pas Dieu du ciel et de la terre. Tu comprends là, hein? Belshazzar qui a été adoré à Jérusalem, chez les Babyloniens, ce n'était pas le Dieu de la Bible, ce n'est pas le Dieu des Hébreux. Le nom Belshazzar, c'est le nom des dieux qui est là-bas. Donc, tu penses que Nebuchadnezzar, c'est autre Dieu. Doucement, ne posez pas la main, quelque chose va arriver. Quelque chose va arriver. Nebuchadnezzar, c'est autre Dieu. Bien que l'autre Dieu, si lui parle. De la même façon comme celui-ci, le pouvoir de Dieu a été donné, il parle comme un dragon. Il parle comme un agneau, il supporte les Juifs chaque fois. On sait bien, ce roi supporte les Juifs. Ce roi supporte les Juifs, Nebuchadnezzar supportait les Juifs. Il préservait les Juifs. Il donnait les Juifs au couloir. Comme les États-Unis ont pris les Juifs parmi eux, ils se trouvent même à la Maison Blanche. Oh, frère, ça ne peut pas changer. Tout est prophétisé là-bas. Alors, Nebuchadnezzar se place là-bas. Supposons que, frère, tu peux jouer le rôle de Nebuchadnezzar. Non, prends ton trône, non. Est-ce que Nebuchadnezzar se lève un peu comment? La population, allons-y comme ça. Voilà Nebuchadnezzar. Qui va jouer le rôle de Belshazzar et Daniel? Bon, souvenez-vous, la personne qui se présente, c'est Daniel, mais l'image, c'est Belshazzar, d'accord? Il y a les frères qui vont jouer le film d'action ici, là. Viens ici, frère. Voilà. Frère Michel, lève-toi un peu. Donc, quand le roi se laisse pour donner l'ordre, voilà toute la population qui est là, n'est-ce pas? Je suis en train de décrire le scénario qui se passe dans Daniel 3, qu'on a lu là. Et c'est ce scénario qui est décrit maintenant pour la fin du temps d'Apocalypse chapitre 13. D'accord? Jusque-là, il fait seulement pour qu'on voit l'image de la bête. Nebuchadnezzar est roi. Celui-ci, je dis bien, la personne qui est là, c'est le prophète, parce qu'il est censé prophétiser. Mais la personne qui l'incarne, c'est une bête, qui est objet d'adoration. Belshazzar. Il sait un dieu qui s'appelle Belshazzar. Une puissance dans le lieu céleste, parce que le puissant dans le lieu céleste gouverne sur celui-ci. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ok. Nebuchadnezzar avait son autorité. Fait de telle enseigne que toute personne qui est ici là se tourne vers son Dieu qui est Belshazzar. Donc ce n'est pas lui qu'on adore. Alors la Bible déclare dans l'Apocalypse chapitre 13 donc que cette bête qui montait de la terre exerçait toute l'autorité en présence de celui-ci. C'est en présence de celui-ci. Et il faisait que tous les habitants de la terre, ceux dont le nom adore la bête, la première bête qui était, qui n'était plus, qui revenait. Voilà, n'est-ce pas? Vous comprenez bien aimé? Ok. Cette bête-ci, c'est un objet d'adoration, donc c'est religieux. Lui-ci, c'est un pouvoir politique. Dans les dieux, tous les dieux exercent le pouvoir du dragon. Frère, un voleur, c'est ça qui lui donne le pouvoir. un kidnappeur, c'est un certain qui doit trouver, mais il y a un volet qui prend le kidnappeur. Un homosexuel, son enfant vient de Satan. Un menteur, son enfant vient de Satan. Un homosexuel, quelqu'un peut être homosexuel, il lui voit, il ne manque pas lui tranquille. Vous savez ça, n'est-ce pas? Quelqu'un peut être menteur, bien, mais n'est jamais homosexuel. Mais les attributs, là, sont les attributs de Satan. Donc, celui qui est ici, qui est à Nebuchadnezzar, c'est une autre branche de l'armée satanique. C'est-à-dire que c'est une autre onction de Satan qui est ici, du gouvernement. Parce qu'il y a l'attribut du gouverneur aussi dans Satan, le dominateur. Ici, il y a une autre partie de Satan qui est l'attribut Dieu, c'est-à-dire que l'objet d'adoration, qu'on veut adorer. C'est ça qui est exprimé ici. Ici, c'est l'attribut de domination. Pourquoi l'attribut de domination subjugue les gens à adorer? Vous savez? Pourquoi l'attribut de domination, il dit ça? Frère, tu sais que c'est ici? J'ai une question. Oui. Qui me trouble. Oui. Quel est le Dieu donc que celui-ci prie pour interpréter le rêve de celui-là? Ça veut dire que je n'ai pas compris. Je te dis qu'il y a deux personnages ici. J'ai bien dit que le Dieu que celui-ci, c'est celui qui donne les oracles à celui-là. Donc c'est Belshazzar, selon lui, qui vient donner les oracles, qui vient dire les choses qui vont s'accomplir. Il accomplit. Voilà pourquoi il adore. Voilà pourquoi il, le pape. Voilà, on va faire aller vers le pape, c'est prosterner, il fait son nœud. Il fait bisous sur sa bague. Attends d'abord, tu comprends un peu, n'est-ce pas? Celui-ci, je dis bien, il y a deux personnages. Il y a le prophète qui en a de jouer ce rôle. Il y a le prophète qui en a de jouer ce rôle-ci. Voici pourquoi cet personnage-ci, dans la Bible, est appelé le faux prophète qui va vers le roi de la terre pour le séduire. D'accord? Tu as lu Apocalypse, frère? Voilà pourquoi je vous avais dit que vous lisiez. Si vous lisez cette explication, ce sera facile comme ça. Cet personnage, il y a le prophète Daniel ici, il y a le dieu Belshazzar. Il faut que j'aille prendre une personne. Non, c'est pas une personne, ça va faire choix. Je n'ai que deux, une personne. Daniel était possédé par tout ça. Même Daniel qui est là-bas au niveau, a commencé à lui poser le problème maintenant. Attendez, attendez. Même Daniel lui-même a commencé à me poser le problème. Il dit que tu veux me dire que j'étais possédé par Belshazzar. Vous voyez, je suis en train de dire quelque chose que la personne de Daniel était un prophète. Sa vie prophétisait, bien que c'est Dieu qui lui parlait de l'oracle. Mais le roi qui était là-bas, ce n'est pas le Dieu de Daniel qui voyait là-dedans. Il voyait Belshazzar. Terrible ça, hein? Vous comprenez? Mais le but de ce qui est écrit ici, ce n'est pas pour les Babyloniens, c'est pour l'Église, pour nous. C'est pourquoi c'est écrit. Si Daniel chapitre 3 ne se trouve pas dans la Bible, vous aurez du mal à comprendre Apocalypse chapitre 13. Ah, ok, maintenant, je recommence encore ce qui est dit. Nebuchadnezzar a fait une statuette, une image de son Dieu, pour que les gens puissent adorer. En adorant ce Dieu, cette statuette qu'on est en train de voir, on a envie d'adorer le Dieu qui est derrière. Vous comprenez? Et celui-là sort une loi de terre, c'est-à-dire que si on n'adore, celui qui n'adore pas cette statuette, cette image, il n'est pas avec lui, donc on va le zigouiller, n'est-ce pas? Ok. Intéressons-nous maintenant. C'est compris avec le pouvoir politique, n'est-ce pas? Parce qu'il faut qu'il y ait les États-Unis avec les catholiques, face à face, d'après les prophéties de Daniel chapitre 3. Il faut que ce soit comme ça. Donc si on trouve le moment où sur la terre, on va dire que toute personne qui n'adore pas, il faut que quelqu'un dise ça. Or, ce n'est pas le dragon lui-même qui dit que adorez-moi. Il suscite quelque chose, quelqu'un, c'est pour qu'il va faire pour que votre attention soit guidée là-bas. Comme Belshazzar faisait, comme Nebuchadnezzar faisait, que les gens adorent. Nebuchadnezzar n'a pas fait sa statuette à lui. Nebuchadnezzar n'a pas fait une statuette représentant son image, qu'on l'adore. C'est sa statuette de son Dieu. Est-ce qu'on s'est saisi? Maman, elle va se comprendre. Et vous asseoir bien aimé. Je croyais que l'exemple que j'ai pris là devait être propre pour qu'on puisse comprendre là. Sinon. Oui, frère. C'était une image de la réalité, c'est écrit. Mais c'est tout ce qui est dans la Bible dans l'ancienne, c'est l'image. Tout à l'heure, j'ai pris Daniel, j'ai parlé d'après, j'ai dit que vous regardez très bien comment. Et on a dit que pendant qu'on adorait, c'est là, Daniel avait fait écran parce qu'il jouait le rôle de Dieu là. Mais en réalité, il était éclipsé. On n'a même pas mentionné. Donc l'église avait été enlevée. Tu n'étais pas encore en train de parler de ça. Je suis. Et j'ai donc dit que dans l'après, j'ai fait ça se trouve de la même façon. Quand on a adoré l'image d'un père là, le vrai adorateur n'est plus là. Écoute, mon problème n'est pas en train de voir, mais je suis en train de comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Parce que quand tu as passé, j'ai compris, donc selon la photo, pourquoi tu as parlé de la photo. C'est la même façon que toutes les églises ont pris l'exemple là-bas. Applaudissez pour le frère. Alors, toute réplique dénominationnelle a été copiée de l'Église catholique. Voilà pourquoi la Bible a parlé tout à l'heure des mères des syncrétiques. Vous avez vu, n'est-ce pas? Voilà donc le grand danger de fuir, pourquoi il faut fuir les dénominations. Voici donc le mystère. Parce que tous ceux qui sont ici à l'intérieur vont prendre la marque. Tous ceux qui sont ici à l'intérieur, s'ils ne sortent pas, ils vont prendre la marque de la bête. Voilà pourquoi Dieu a donné l'injonction de sortir du milieu d'elle. Voilà, n'est-ce pas? Alors, dans ce, il y a un enseignement, je ne sais pas si dans un enseignement où Dieu avait écrit, il avait dit que toi, pasteur, il n'y a pas de représentation dans la Bible des pasteurs qui dirigent une seule assemblée. Un pasteur d'une assemblée. Vous devez savoir que le prince de la puissance de l'air vous a séduit et vous a communiqué sa vision, son image pour que vous représentez. Vous allez vous parler contre les catholiques, vous êtes ses filles. Vous avez remarqué, vous avez écrit ça dans le livre, dans le réveil. C'est de ça que je voulais parler. Voilà. Voilà. C'est de ça que je voulais parler. C'est ça que je voulais parler. C'est-à-dire, tu vas me prêcher contre les catholiques pour comment? L'église protestante va vous dire ne plus croire que les catholiques sont comme ça, primaries. Ce sont les filles. C'est que quand une femme accouche d'une fille, la fille peut lui ressembler, mais les traits caractéristiques ne seront pas totalement. Donc, le nez peut être un peu court, mais elle ressemble quand même sa mère. Donc, le nez court peut représenter le fait qu'il y ait Marie là-bas. Donc, tu arranges Marie. Prenez seulement Marie dans l'église catholique. Mettez au niveau de l'église protestante. Vous voyez quoi? Ça devient l'église protestante. L'église catholique entièrement. Parce qu'ils ont les habillements la même chose, la précise la même chose. Le chef là-bas, le grand chef là-bas, on l'appelle modérateur. Ils savent qu'il ne veut pas seulement dire pape. S'ils disent pape, ça donne la même chose. L'image de la bête. Ils ont commencé donc à fonctionner selon la réplique de cela. Ils ont commencé à fonctionner selon la réplique de cela. Conséquence, suivez attentivement là maintenant. Suivez attentivement. Conséquence, Belshazzar, qui était le dieu qui donnait les oracles à Nebuchadnezzar. On va faire le test à qui est plus Belshazzar. C'est-à-dire que si tu fuis celui-ci, celui qui donne les oracles, l'église catholique, l'évêque de Rome est le seul détenteur d'interprétation des oracles de Dieu. Vous avez lu ça dans les compositions de l'église catholique. Ok. Alors, l'église catholique, à cause d'une fille, l'église protestante, eux-mêmes aussi disent que hors de eux, il n'y a pas de salut. Tu fuis ici, tu adores ici, tu en es doré, l'image de la bête. Donc, essaie de répliquer. Tu fuis l'église catholique, tu dis non, tu sais, c'est le pentecôtiste, l'église pentecôtiste est sortie là-bas. Regardez comment on va commencer à coucher. Pas protestant, catholique, hein, la mère des abominations. Les protestants sortent, les protestants, les calvinistes sortent, les cornistes sortent, les baptistes sortent. Voilà, n'est-ce pas? Les témoins de Jéhovah, voyez comment sortir. Fais des ramifications. Donc, à l'instant où tu prends le nom d'une dénomination, tu es identique à l'église catholique. C'est ainsi par la parole. C'est pour ça qu'on dit que tous les habitants de la terre ont été abreuvés de son impudicité. C'est au travers de cela. Donc, ce n'est pas qu'on a dit qu'aller commettre l'impudicité, ce n'est pas cela. L'impudicité, c'est que c'est au travers de cela que les faux enseignements sont donnés et ça contamine les gens. Vous comprenez, bien aimé? Donc, l'image de la bête, ce n'est pas un grand leçon qu'on a filmé que la bête. Ce n'est pas ça dont il est question. C'est que la réplique de cette première bête, c'est pour ça que c'était important d'identifier qui est la première bête. Si vous identifiez, vous allez voir que toutes les choses se passent. J'ai utilisé un langage dans un enseignement de l'église catholique miniaturisée. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? L'église catholique miniaturisée. Pourquoi? Parce que il suffit seulement qu'on agrandit ta femme, tu te retrouves que tu es à Vatican. Un pentecôtiste va créer son église étant au Nigeria. Vous entendez dire qu'il est général Ovasia. Il est au Nigeria, il est son quartier général. Prenez ça pour l'église catholique, vous allez voir. L'église catholique a son quartier général où? Au Vatican. Donc, le pape, c'est le général Ovasia. Mais c'est passé pour le catholique. Commencez à faire comme ça les branches. Les grands pasteurs sont nommés dans la région. Exactement comme les archevêques, Changez les noms tout simplement. Ouais, là, on se trouve, n'est-ce pas? Alors, Satan a communiqué une vision. Et c'est ça qui a été grandi comme ça. Satan a communiqué une vision, ça qui a été grandi comme ça. Parlons donc de la marque de la bête. C'est automatique là maintenant. C'est automatique là maintenant. Si vous comprenez l'image de la bête, vous comprenez la marque directement. Que non, c'est la puce qu'il faut qu'on mette sur la main. La puce a les informations. C'est ça que la Bible a déjà parlé. Que non, il y a une puce électronique qu'on a en train d'essayer d'aller aux États-Unis. Si on va mettre ça dans ton truc, il y a toutes les informations sur toi. Frère, c'est pas ça que la Bible parle. Lisons encore la marque de la bête. Vous voulez qu'on lise? Lisons. Apocalypse chapitre 13. Que c'est la puce RFID. Je suis tout le monde entier au courant. Tout le monde est entier au courant que c'est ça qui va être la marque de la bête. Et vous m'amusez. Et tout le monde est entier au courant par rapport aux choses qui sont écrites dans la lettre. Regarde comment Satan distrait. On dit que l'antique est venu, on dit que non. Bon, c'est l'antique, on va lancer l'antique. Il a décidé. Ici, il a décidé de s'élever par ici. Obama, c'est l'antique. Fais attention à Obama. C'est pas Obama qu'il faut faire attention. Mais cher ami, surveillez l'église catholique. C'est elle. C'est d'abord que ça arrive. Surveillez l'église catholique. Il y a deux personnages principaux à surveiller. Le dragon, celui qui parle avec comme le dragon, va avoir son rôle. Mais surveillez l'église catholique et la Russie. L'église catholique et la Russie. C'est entre les deux. Si vous vous saisissez, n'est-ce pas? L'église catholique et la Russie, c'est pas là-bas. Dans la zone. Si vous me comprenez. Dans la Bible, il déclare particulièrement que la Russie va sortir. Vous avez lu l'histoire là-bas de Gog et de Magog. Ils vont sortir avec Iran, l'Iran, la Syrie. Tous ces gens-là, ils vont aller. Il va faire toutes les personnes. Remarquez ce que la Russie va faire. La Russie va vous donner les aides à certains pays européens. Les aides à certains pays européens, il va les soutenir même militairement pour que, quand ils vont vouloir faire quelque chose, ils rallient sa cause. Et alors là, ils vont venir derrière lui pour venir suivre contre Israël. Vous savez, n'est-ce pas? Ils ont le soutien pour les États-Unis, n'est-ce pas? Voilà. Pourquoi? Parce que la Turquie principalement, va s'élever. Vous savez que les sept églises que vous voyez dans l'Apocalypse là-bas se trouvent dans la Turquie. Vous savez que c'est en Turquie, ça se trouve en Ankara. Après, on n'a pas le temps de parler de toutes ces choses, c'est qu'on puisse regarder le pourquoi c'est en Turquie. Et qu'est-ce qui va se ressortir de la Turquie? Donc, lisons Apocalypse chapitre 13. Lisons à partir du verset 13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Vous entendez, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que ce n'est pas une statuette, frère. Donc ce n'est pas une statuette. Il animait pour qu'il puisse donner d'animer l'image de la bête. Donc ce n'est pas une statuette qu'on a construite pour que les gens adorent. Et puis justement, on va parler. C'est pas ça. Vous voyez là ça? Avançons, frère. Afin que l'image de la bête parlât. Oui. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc frère, ça veut dire que la paix de l'antichrist, ce sera au niveau du chrétien. Ça sera dans le culte. Donc ça a travaillé avec l'adoration, avec le culte. D'accord? Ok. Donc il y a deux bras. Le bras politique et le bras religieux. D'accord? Il y a deux bras. Le bras politique, le bras religieux. Ce qui est important pour les chrétiens, c'est le bras religieux. Parce que tu tangues, tu es séduit. Dans la politique, quand un politicien parle, tu sais que c'est celui-là de me tromper. Mais le plus grave, c'est quand c'est resté au milieu chrétien. Je vous ai parlé de la dernière fois quand ils vont s'asseoir pour réécrire la Bible. C'est ce qu'ils parlaient. Pour parler de cette Bible, ils vont repenser. C'est de l'autre côté, n'est-ce pas? Ok, si c'est de l'autre côté, c'est pour la Bible, de l'autre côté. Avançons quoi? Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Désormais, ça veut dire que durant cette période aussi, les gens qui ne vont pas prendre la marque de la bête seront tués. C'est officiel. C'est clair. Donc, on dit tous ceux. Donc, ça veut dire que tu sois dans les champs, n'importe où, de toute façon, on avait dit malheur à la terre, à la mer. On n'a pas dit à la terre habitée, on a dit la terre. Donc, que ce soit dans les brousses, n'importe où. Donc, ne pense pas que tu vas construire une cabane où va, à Bachabou ou n'importe où, là, où on n'a pas te voir. On va seulement te voir. Si tu peux gêner pendant 3 ans et demi, sans manger, sans boire, tu peux fuir, donc on voit. Donc, avançons, frère. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite. Stop. Que tout le monde. Remarquez bien, tous ceux qui sont. Donc, il y a deux catégories de personnes. Écoutez très bien. Deux catégories de personnes se présentent sur la terre. Ceux qui refusent d'adopter ce système-là sont. Ceux qui ne refusent pas, on les estampille d'une marque. Marque veut dire un signe de distinction. Première chose. D'accord? C'est ça, n'est-ce pas? L'endroit qui est positionné, ce n'est pas n'importe où. On dit que c'est sur la main droite, c'est la deuxième chose. Donc, un signe de distinction sur la main droite. Avançons. Ou sur le front. Ou sur le front. Donc, c'est les alternatives. On dit soit sur le front, soit sur la main. D'accord, mes frères bien-aimés? Allons-y. Il faut qu'on regarde quelle est cette marque. Et elle fit que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. Le nom de la bête ou le nombre de son nom. Trois choses qu'on est censé avoir pour acheter. Je vais seulement prendre tout ça. Il faut qu'on s'arrête là pour que vous voyez d'où la nécessité ou l'histoire qu'on va mettre la puce sur la main là. C'est insensé d'après la parole de Dieu. On dit que il y a trois choses qui sont nommées là-bas. Soit un être humain à soi. Un. Quoi sur la main droite? Qu'est-ce que la marque? La marque. Soit il a la marque, soit il a quoi? Le nom de la bête. Le nom de la bête. Si ce n'est pas la marque, c'est le nom de la bête. Troisième chose. Le nombre de son nom. Ou le nombre de son nom. Alors maintenant, frère, ça devient clair. tout Apocalypse, c'est clair. Ah, ok, mais regardez la distraction. Hé, hey, en Amérique, il y a la puce RFID qu'on a de mer. Tu peux aller de Porto, avec ça, on a toutes les informations. On met sur la main droite, on met ici. Les scientifiques ont compris que si on la mettait ici, c'est la distraction. Vous lisez la Bible, je dis, vous lisez la Bible dit autre chose. Il dit bien, vous lisez la Bible dit autre chose. La puce RFID n'a rien à voir avec ce que l'Apocalypse est en train de dire ici. Ok. Après, le Saint-Esprit va plus loin en disant que et ce nombre, c'est le nom de l'homme. Dites-moi en quoi la puce RFID ou bien n'importe quoi que ça contient le nom d'un homme. Dites-moi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela. Ou bien, comment vous êtes fait? On arrête. Comment vous me réveillez? Vous procédez l'obscurité, vous voulez dormir. Ils ont sorti un film. Ne suivez pas cette distraction. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Ne vous inquiétez pas. Si elle pose une question d'une certaine façon, vous allez comprendre directement. C'est pour ça qu'elle laisse la suspense. Je laisse que ça soit suspendu comme ça. Là. Et c'est pourquoi elle laisse suspendu. Ok, le nom de la bête. On a vu, la bête c'était quoi? La papauté. Ok. La papauté. Ok. Comment donc on a son nom? Tous ceux qui vont couler, qui vont voir le vrai, c'est-à-dire qui vont couler dans la doctrine, qui vont mettre rien à y voir. Nous y voilà. Ouais, très bien que la Bible, vous commencez à comprendre ce que la Bible en train de dire dans le langage public. Ça veut dire qu'ils vont s'asseoir, ils vont s'unifier, ils vont sortir leur doctrine à eux. Et les gens qui seront en accord avec cela, quelqu'un m'a posé la question, je ne sais pas où, quelqu'un m'a posé la question sur la main d'association qu'on donne. Sur la main d'association, je ne sais pas qui m'a posé cette question. C'est-à-dire que. Frère, solo se sont donné les mains d'association. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tu es nécessairement entré dans notre association. Ça veut dire que je suis d'accord avec toi. Que moi, je vais chez les païens, je prêche. Toi, tu pars chez les trucs, tu prêches. Mais nous prêchons la même chose. La main d'association, ils se donnent les mains. Quand on regarde, on voit qu'il en est de la main d'association. La main d'association. Un accord. Un accord. Oui, frère. Ça n'a rien à voir. Il dit, mais ça n'a rien. Ne vous inquiétez pas, vous allez toucher l'autre domaine. C'est tout du côté de Dieu. Vous allez voir directement de quoi il est question. Donc ne pensez pas que vous allez voir les hommes avec le machin, vous allez dire, mais si, c'est bien frais ça, vraiment, c'est Hollywood et le Nollywood. Et vous savez qui contrôle Nollywood, n'est-ce pas? Vous savez qui contrôle Hollywood? Il dit, vous savez qui contrôle Hollywood, non? C'est Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Non. Ah, c'est qui? Donc c'est l'esprit de Satan qui vient dire que non, voilà comment on va écrire le 666. Donc c'est Satan a répété la Bible. Dis à ton voisin, lis la Bible. Voilà. Et maintenant, on dit que ce nombre-là était un symbole, en calculant par le chiffre, ça donnait 666. On ne s'intéresse pas au chiffre, on s'intéresse au nom. Le chiffre, ça veut dire que si tu trouves la personne, si tu calcules son nom, ça va donner 666, c'est le nom de la personne, pour identifier la personne. Ce n'est pas le nombre qui est important. C'est que, je vais prendre un exemple pour que vous compreniez ce qu'il me dit, n'est-ce pas? Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez. On dit que, par exemple, que la bête, les sept montagnes sur lesquelles la femme est assise sont, les sept cornes sont sept montagnes où la femme est assise. J'ai dit, il y a une seule ville au Cameroun, enfin, dans le monde entier, où il y a une sept montagne. Vous dites, Yaoundé aussi est aussi appelée la ville aux sept collines. J'ai dit oui, jusque-là on est d'accord. Mais, y a-t-il quelque chose à Yaoundé qui est né toute la terre? Vous dites quoi? Non, donc ça veut dire que c'est terminé. Il y a une autre personne, il faut qu'on cherche ça ailleurs. C'est ce que je veux dire. Qui est née toute la terre. Parce qu'on a dit, non, on n'a pas donné une seule condition. L'autre condition, c'est que, on a dit que cette belle-là est née toute la terre. Et tous les rois de la terre sont là. À Yaoundé, il n'y a pas quelque chose qui est venu tout le monde entier. Donc Yaoundé est exclu. Ça ne peut pas être Yaoundé. Il faut regarder ailleurs. Je veux dire que les conditions qu'on a données d'eux, on pousse davantage la lumière pour qu'on identifie qui est la personne. Le lit, ce n'est pas la marque qui est le problème. Ce n'est pas le chiffre sans ce qui est le problème. C'est la marque. On dit, si tu trouves cette personne, tu vas calculer son nom. Ça va donner ce nombre-ci. Si on parvient à identifier la personne. Vicarius Filius Dies, vous calculez, ça donne 666. L'autre, son nom, Dex Cléry, vous calculez, ça donne 666. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça identifie la personne. Alors maintenant, ça veut dire que, il veut dire que toute personne qui sera sur ce système-ci, qui sache que l'esprit antichrist est en lui, ça, il va adorer la bête sans s'en rendre compte. Alors finalement, la marque qui est sur le front, c'est l'onction de l'antichrist, pas une marque physique. Apocalypse chapitre 14. Remarquez, dans un enseignement, je ne sais pas si c'est écrit ou c'est audio, j'avais dit ceci. Alors mes chers amis, vous adorerez la cité ici, vous, et vous entrez, sortez dans ce système dénominationnel, sinon vous prendrez la marque de la bête. Quand vous y entrez, vous prenez la marque de la bête, l'onction. Regardez Jean chapitre 1, Jean chapitre 2, verset 18. Mais bien aimé, c'est la dernière heure. Et vous, comme vous avez entendu qu'il y a plusieurs qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists dans le monde. Oui, parce que là, nous connaissons que c'est dans la dernière heure. Comment on sait que ce sont les antéchrists? Parce qu'ils ont déjà l'onction, la manifestation de cet esprit-là sur eux. Amen. Ils sont sortis du milieu de nous. Donc, c'était à notre milieu. L'esprit-là faisait des choses comme si c'était nous. Mais subitement, on a vu clairement que les esprits étaient différents. Ils sont sortis, ils ont pris leur... N'allez pas croire ces choses. C'est qu'on va mettre les trucs ici, on met les trucs ici, on va mettre les primes. C'est comme là. C'est comme le riz. Le grain de riz, si on met, ça va disparaître. Ça n'a rien avec la Bible. Parce qu'il a dit que n'ayez pas peur. Ceux qui peuvent tuer est de la chair. Et qui, parce que l'adoration doit être faite en esprit. L'adoration, la corruption, c'est en esprit. La chair et le sang, là, ne peut pas hériter. Donc on ne peut pas adorer avec la chair. Si on prend ces chairs, on cloue, on détruit, ça ne fait absolument rien dans le royaume du Seigneur. Vous comprenez? Parce que Dieu est esprit. Donc prendre la marque de la bête, c'est accepter l'esprit antichrist. Et c'est un antichrist doit venir. Celui qui a la puissance de la manifestation. Mais depuis le tour de Jésus, il dit qu'il y a plusieurs antéchrists. Comment sont les antéchrists déjà? Parce qu'ils ont l'onction là qui manifeste. Vous voulez qu'on lise quelque chose pour que vous voyez. Souvenez-vous, on a parlé ici de la marque dans ce chapitre 13, on dit que la marque va être soit sur le front ou bien sur. Je vais vous montrer quelque chose pour que vous voyez. C'est pour ça qu'il vous a dit que si vous montez du côté de Dieu, vous allez voir directement de quoi il est question. D'accord? Ok. Maintenant, observez. Quand les gens sont venus allumer la lumière, c'est pour qu'ils voient les faces des filles là qui sont allées dormir. Allez, on a coupé. Bon, quand les. Donc, on ferait mieux de finir vite, n'est-ce pas? Vous savez que même si à l'obscurité, il veut prêcher seulement. Quand Écoutez bien ici. Quand quelqu'un est scellé de l'esprit antichrist, il part directement pour le feu. Pas vrai? Ça veut dire que c'est le passeport pour aller pour l'autre côté. Ok. Chapitre 14, lisons verset 1, voir de l'Apocalypse. Lisons. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avait 844 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Stoppons. Vous voyez là, frère? Vous voyez, frère? Amen. Ok, rentrons au chapitre 7. Écoutez très bien. On dit que quand il a vu les 144 personnes, ils avaient le nom de l'agneau et le nom de son père sur son front. Donc vous voyez, vous allez voir 144 000, on a écrit Yahweh et Jésus-Christ de Nazareth sur le front. Dis à ton voisin, tu vas lire la Bible à la manière de la Bible. Voilà. Maintenant, je vais que vous voyez maintenant, c'était quoi les questions. Maintenant, lisons le verset 1 du chapitre 7 de l'Apocalypse. Allons-y. Après cela, oui. Je vis quatre anges debout aux quatre points de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'ils ne soufflent point de vent sur la terre, oui. Ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Oui. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant. Oui. Et qui tenait le sceau de Dieu. Stop. Ne sois pas distrait là maintenant. Ne sois pas distrait. Laissez le reste de leur ministère là-bas. Donc il dit, il a vu quatre anges se tenant debout des quatre côtés de la terre qui retenaient les quatre vents. Vous savez demain les vents qui doivent frapper la terre. Alors, un autre ange va sortir. Souvenez-vous, cette chose se passe dans le période du ministère des trois des deux anges, des deux messagers. D'accord? Ok. On dit donc que l'autre ange va sortir du temple et veut dire aux quatre anges que ne relâchez pas encore les persécutions sur la terre. Ne relâchez pas encore le feu sur la terre jusqu'à ce que les 144 000 personnes soient scellées, soient frappées du sceau de Dieu. Et tout à l'heure, lorsque nous expliquons, j'ai dit ceci, que durant cette période-ci, deux personnes seront chez les Juifs, soit ils seront en train de prêcher l'évangile. Et ça, les gens vont croire, les 144 000 personnes que Dieu a prédestinées vont croire. Le Saint-Esprit va venir, l'Esprit de grâce sera déversé sur eux pour qu'ils puissent recevoir l'Esprit de Dieu. Vrai ou faux? Ok. Ici, on dit que l'autre ange a donné l'injonction aux quatre anges qui ne relâchaient pas encore jusqu'à ce que, allons-y, jusqu'à ce que. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu levant, qu'il pria d'une voix forte aux quatre anges, oui, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Oui. Et il dit. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Oui. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000. Stop. Donc, ça veut dire que frère, d'abord, première chose, les personnes dont on parle dans le chapitre 7, verset 1, c'est la même personne au chapitre 14, pas vrai? Ok, maintenant, commençons maintenant à comprendre ce que la Bible dit. Ici, l'ange dit que ne faites pas tes choses jusqu'à ce qu'on ait marqué. Frère, regarde-moi un peu, tu permets que je touche ton front, ou mieux, je vais toucher mon front, parce que ne faut pas que tu fasses ça, après, je pense que tu peux après dire que le président m'a mis quelque chose. Donc, mieux, je touche mon front, d'accord? C'est mais, moi, mais fait comme ça, au milieu, c'est que c'est venu. Ok. Donc, d'après le chapitre 7, verset 1, l'ange a dit que ne faites pas encore du mal jusqu'à ce que nous ayons marqué du front. On met le sceau sur le front des serviteurs de notre Dieu. Et là, j'ai entendu le nombre de toutes personnes qu'on a marquées. Il y en a combien? Voilà, maintenant. Allons maintenant au chapitre 14 encore. Lisons le verset. Qu'est-ce qu'il dit? Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec 844 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Stop. Vous avez vu ça dans ta frère? Donc, chapitre 7, verset 1 dit que quand on va mettre le sceau où? Sur le front. Chapitre 14 dit que quand on a regardé ce front-là, on a vu quoi sur ça? Le nom. Non, c'est pas seulement ça, deux noms. Il y avait deux noms. Oui. Il y avait le nom. Son nom et le nom de son père. Voilà. Donc deux noms étaient écrits sur le front. Alors frère, dites-moi, d'après la Bible, le sceau de Dieu, c'est quoi? Donc ça veut dire qu'on a dit que, attendez à ce que la prédication amène le baptême Saint-Esprit sur ces personnes-ci. Alors, si le sceau de Dieu, ce qu'il est seul, c'est le Saint-Esprit. Du côté opposé, c'est quoi, frère? Or, pourtant, la marque de la bête est exactement comme un nom. Et aussi, on voit effectivement la marque du côté de Dieu comme est donnée, c'est comme si c'était un nom qui était écrit. Vous voyez là, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que c'est l'Esprit Antichrist. C'est ce qui fait que tu as inséré l'enseignement et l'adoration dans cette direction. Voilà pourquoi c'était important d'identifier qui était la bête. Ce n'est pas fait qui était la bête et ce qu'elle est censée faire, on va comprendre la marque. Lorsqu'on va aller dans le commerce, je ne veux pas nécessairement que je vous montre quelque chose. Je ne sais pas si vous avez des choses que vous avez achetées ici, soit quelqu'un a quelque chose là qui l'a. Boîte de lait. Boîte de lait, vous avez. Il y a ça ici. Donnez-moi la boîte de lait quelque part. Ok. Nous y voilà. Ok. Vous dites. Écoutez-moi maintenant. C'est là où je vais mettre au défi maintenant tout le monde. Vous dites. Frère, dites que c'est peut-être qu'il y a un enlèvement. Non, dis à quelqu'un, peut-être il y a eu enlèvement. Et nous sommes ici à nous prêcher sur l'enlèvement. Dis à ton voisin que peut-être il y a eu enlèvement. Et nous sommes à nous prêcher sur l'enlèvement. Ok, nous sommes d'accord qu'il n'y a pas encore un enlèvement. Ok, voici donc, je prends cette boîte-ci parce que presque tout ce que vous allez acheter dans le supermarché, il y a ces choses-ci, c'est le code barre. C'est-à-dire que si vous allez par exemple à Casino via Score, il y a un appareil au mieux, vous voyez le prix. Ça fait tout, vous voyez le prix. D'accord? On appelle ça le code barre. Et voici ce que les chrétiens, entre guillemets, de notre époque disent. Le code barre, il y a trois barres qui sont les deux, les premiers barres du début, au milieu, encore deux premiers barres qui sont plus longs que l'autre. La valeur numérique de ça, c'est 6. L'autre valeur, c'est 6. L'autre valeur, c'est 6. Donc, enfin, ça fait 666. Je vais vous faire passer. Donc, observe. Donc, le premier barre qui est plus long, là, c'est 6. Au milieu, il y en a 6 là. Partout, vous allez voir les codes barres, ce sera plus comme ça. Il y a toujours un qui est plus long que les autres. La valeur numérique, normalement, c'est 666. Arrête, frère. Tu fais passer pour les gens, voyez. Alors, maintenant, si vous dites, ça c'est la marque de la bête, voici mon enfant qui a dépensé le lait. Où ça se trouve? Dans le lait. Vous voyez que c'est une bêtise, non? Non, le seau. Le seau, on enlève ça à l'intérieur. Voilà, tu enlèves le lait, c'est les gens qui ont fabriqué, qui ont mis ça dedans. Ok, maintenant, si vous commencez à lire l'Apocalypse, ce qu'on a dit au chapitre 18, vous identifiez que la bête, effectivement, c'est telle personne. On va dire que les marchands de la terre s'étaient en loin en disant que tous ceux qui faisaient commerce avec lui vont voir comment en un seul heure est venu son embrasement. Parce que personne n'achète plus de son nom ni quoi que ce soit. Vous savez, quoi? La grande partie des finances du monde, c'est l'exacteur qui tient cela. Vous savez au moins cela. Donc, on va venir sur elle particulièrement. Je vais tout simplement dire quoi? Je vais dire que, vous dites, si vous dites que c'est une puissance, vous dites que non, quand ça va venir, je vais m'abstenir. Moi, si vous achetez n'importe quoi, et même le sachet de lait du Nido de 200, ça se trouve là-bas. Dites à ton voisin, ne bois plus le Nido. N'achète plus le pizza. N'achète même plus le porc. En sachet. Parce que c'est partout. Là, les codes barres sont partout. Les cartes magnétiques que vous utilisez, c'est partout. Le téléphone, ça se trouve à l'intérieur incorporé. D'abord, même quand vous tapez sur internet www, ça fait 666. Quand tu tapes www.ceci. Donc, voilà un pasteur qui dit que non, les codes barres sont diaboliques. Et il crée son anglais, il dit que Christ Embassy, www.christ. Il a tapé 666 avant de dire Christ Embassy. Ouais, le film ça commence. Fox, c'est 666. Ça veut dire que le diable du 21e siècle, c'est écrit littéralement. Et vous avez les vidéos de ça chez vous. De l'Arabie Saoudite, 666. Même Puma, comment ça s'appelle, Adidas, que vous voyez là, c'est très bas, c'est 666. Titanic 666. C'est tout simplement pour dire quoi? Pour montrer que la manifestation de cette bête-là, c'est toujours dans le monde. Tout simplement pour cela. Mais pour ce qui est de la marque de la bête dont la Bible parle, c'est un truc spirituel cette fois-ci. C'est du côté du spirituel. D'accord? C'est vrai que parce que tout ce qui est scellé dans le spirituel peut être modifié par le monde. C'est possible. Claire? D'accord? Donc finalement, le nom de la bête, la marque de la bête, c'est seulement pour identifier qui est cette bête-là, afin qu'on ne pas adorer pour prendre le scellé là-bas. Tout scellé là-bas. Comment, maman? Tu ne comprends rien? Oui. Parce que vous avez montré dans le nez de l'enfant. Dans ça, parce que ça signifie. Non, je vais seulement montrer que, n'est-ce pas, maman? Qu'il y a 666 sur ça. Même sur l'argent que tu as, hier, ça se trouve. 666, ce que c'est la bête. Non, ça veut dire que c'est la marque de la bête normalement. Quand tu t'en mets le nom, ça veut dire que c'est la marque de la bête, le code de la bête. Donc, ça veut dire que ceux qui sont des Satan. Donc, si tu as l'argent sur toi, sors, ça tu mets ici au devant. Hein, maman? Maman a dit qu'elle était d'accord. Elle a dit qu'elle était d'accord avec toi, mais l'autre, là, mon argent, mon ami. Non, ce qu'elle veut savoir, c'est que, est-ce que tu es en train de dire que les enfants ne vont plus boire le lait? Non, c'est pas. Vous êtes d'accord, moi, que vous êtes comprenez que c'est pas ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Je vais tout simplement dire qu'en fait, si c'était ça qui était le code, alors voici donc les choses qu'on doit éliminer. Alors arrangeons-nous à éliminer. Ok, maintenant c'est un défi seulement, c'est un test tout simplement. Ça veut dire que ceux qui seront, ne sont pas enlevés seront dans ce genre de test. C'est-à-dire que vous devez prendre position. Ceux qui ne seront pas enlevés, ils seront dans ce genre de test. Parce que, souvenez-nous, quand on sera enlevé, des êtres spirituels descendront sur la terre. Donc ils vont imposer le rythme de vie. Donc si pour ton Dieu, tu sais les mots, comment ils vont te violer. Oui, frère. L'église sera enlevée. Oui. Ceux qui vont rester, ceux qui font partie de l'église. Voilà. L'église est constituée de deux groupes. Mm-hmm. Il y a les vainqueurs et les gens qui traînent le pas. Oui. Donc ceux qui traînent le pas doivent rester. Absolument. Donc ceux qui ne marchent pas dans la sanctification doivent rester. Nous y voilà. Arrivons ici. Prenons Israël comme le type. Lorsque Israël sort de l'Égypte, d'accord, une fois de plus, on va arriver jusqu'à Kadès Barnéa. Quelqu'un dit Kadès Barnéa? Quand Israël sort de l'Égypte, c'est le type des gens qui sont rachetés par Christ. Tous les Juifs sont sortis, n'est-ce pas? Donc sur ce point, on est égalitaire. Tous ont été abreuvés de la même parole, de la même prédication. Lorsqu'il s'agit maintenant de la promesse, pour entrer dans la promesse, deux personnes sont entrées. Deux personnes sont entrées. Tous ont été sanctifiés. Écoutez très bien. Je veux que vous me répondiez pendant que j'en ai parlé. La sanctification ne fera pas que quelqu'un soit enlevé. C'est pas ça. Il traîne le pas avec moi. Qui ça? Qu'est-ce qui ne serait pas arrivé? C'est ça qui veut arriver. C'est exactement pour ça. C'est pour ça qu'il dit d'autres choses. L'autre chose, c'est que la sanctification, c'est pas ça qui fait qu'on soit enlevé. C'est une partie de la chose. Maintenant, regardez. Dans Matthieu 25, s'il y a un passage qui est clair dans la Bible, c'est Matthieu 25. Dans Matthieu chapitre 25, on prend état de deux groupes. Vierge, quelqu'un dit vierge. Sage. Vierge. Vierge folle. On dit, elles sont vierges. Pourquoi? Non, naturellement. Tu as vu, n'est-ce pas? Donc, sur ce point, ils sont égalés. Et elles sont en égalité. Donc, les deux sont sanctifiés. Vous avez compris? Je vous avais prié, frère, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est vérité. C'est pas ça? Donc, ils sont sanctifiés par le sang de Jésus. N'est-ce pas? Ok, maintenant, la deuxième chose, c'est que les deux ont la lampe. Chacune a les lampes, donc chacun a la parole. C'est accessible. La différence maintenant, c'est que l'autre ici a en plus de la lampe, en plus d'être sanctifié, a l'huile. L'autre ici n'a pas l'huile. Donc tu peux vivre dans la sanctification, ça te baptise le Saint-Esprit. Celui qui est baptisé le Saint-Esprit, qui a compté jusqu'au baptême, c'est lui qui a enlevé. Donc tu penses que le baptême, le parent là, non. Tu es venu en retard. On a tellement parlé, mais on va quand même y revenir. Mais pour le faire, on peut quand même répondre sur le point. Donc vous voyez la situation là, vous voyez là où on se trouve, n'est-ce pas? L'inquiétude que le frère là a, là, c'est grave. Vous parlez de l'ère où on vit maintenant. Je veux que la chose qu'on a dit tout à l'heure, là, il faut qu'on comprenne. Vous pouvez être scientifique. Je vais prendre un exemple simple pour que vous compreniez. C'est pas vrai ça. Les méthodistes, ceux qui sont sortis des groupes méthodistes, les méthodistes sont les gens, s'il y avait des gens qui vivent à la sainteté, il n'y a pas plus que les méthodistes. Je ne parle pas des méthodistes dépourvus de sens maintenant qui commencent à marier les pasteurs homosexuels. Donc les méthodistes authentiques qui sont sortis dans les années 1800, les méthodistes vivaient dans la sainteté. Les femmes se couvraient totalement comme ça, parce que tu ne peux pas voir même le pied d'une femme. Alors, un serviteur sort et dit que frère, c'est bien. Il faut que vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Il dit que non, le temps des miracles était passé. Oui, la sanctification. Souvenez-vous, je vous avais expliqué qu'il y en avait trois œuvres qui doivent être accomplies dans le chrétien. Il y a l'œuvre de la justification, l'œuvre de la sanctification. Puis vient le scellement. C'est le scellement donc qui fait fonctionner, incorporer la personne dans le corps, qui fait que la personne soit fonctionnelle pour le royaume. C'est ça qui incorpore la personne dans le corps de Christ. Et c'est ce corps de Christ qui est appelé son épouse. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas dans le sens où il n'est pas dans son corps. Donc on peut être disciple de Jésus-Christ sans avoir son esprit habitant en soi. Vous comprenez? On peut être disciple de Jésus-Christ sans avoir son esprit habitant en soi. Alors, observez ceci. Pour que vous compreniez ça dans les types, avant que je m'arrête là-bas, vous comprenez ça dans les types. Lorsque les ustensiles du sanctuaire avaient été donnés sous l'ancienne alliance, la Bible déclare que Moïse, pour les mettre au service, pour les consacrer à l'Éternel, a dû aspercher le sang de l'alliance sur les ustensiles. Donc, si on prend n'importe quel verre, donnez-moi quelque chose, n'importe quoi là, une goutte. Voilà. Supposons donc que ces choses-ci a été fabriquées par Aurélia. N'importe qui fabrique ces choses-ci. À l'instant, ça arrive devant le sacrificateur. On dépose là-bas. Lorsqu'on dépose, regardez bien, le fait qu'on ait choisi, parce qu'il y a ça plusieurs, voici par exemple un. Le fait, écoutez bien, pour vous saisir l'œuvre de la grâce. Il y en a plusieurs. Le fait que Dieu soit venu choisir plutôt ceci, c'est l'œuvre de la justification. Le seul fait d'aller choisir cette personne-ci, c'est l'œuvre de la justification. Lorsqu'il choisit ceci, ce n'est pas encore fini avec la personne. Il a choisi parce que le but, c'est pour qu'on boive l'eau avec. Le but que Dieu attend de ces choses, c'est qu'on puisse mettre le pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il fait? On asperge le sang. Alors, on sanctifie. Sanctifier, ça veut dire que nettoyer pour être mis à part pour le service. Mais ça n'a pas encore commencé à être utilisé. D'accord? À l'instant, le sacrificateur vient maintenant prendre cela. Pour commencer à utiliser maintenant, alors, ça c'est l'étape du baptême du Saint-Esprit. Donc maintenant, il est entré en service. Tant que les trucs sont sanctifiés et que c'est mis là-bas de côté, ça n'est pas encore entré en service. Donc aucun chrétien ne peut être fonctionnel sans le baptême du Saint-Esprit. Tout ce que tu vas faire, tu vas seulement essayer. Aucun chrétien. Pourquoi, mes chers frères? Parce que le ministère du chrétien, normalement, c'est le ministère spirituel. Et c'est les dons spirituels avec lesquels on fonctionne, on ne fonctionne pas avec l'habilité, les capacités humaines. Et pour que tu aies cette habileté spirituelle, il faut que tu sois incorporé dans le corps. Et quand on est incorporé dans le corps par le Saint-Esprit, il dispense dans les dons. Parce que Jésus aussi avec les apôtres, pendant que tu es avec les apôtres, on s'est dit, moi je vais le lui faire savoir. Mais plus tard, quand il s'en va, il est dit, vous restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez la puissance. Absolument. Et ça passe pour quel temps, donc, c'est une autre vie. Vous comprenez, mes bien-aimés frères? Donc, sans le baptême du Saint-Esprit, quelqu'un n'est pas chrétien au sens du divin. Demande ton voisin, es-tu chrétien? Ou bien tu usurpes ces titres? Vous ne voulez plus parler. Hein? Demande ton voisin, est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es chrétien? Au moins, tu voles seulement le nom là. Donc, c'est le baptême du Saint-Esprit qui incorpore dans le corps maintenant. Écoutez très bien. Si tu as donc ce baptême du Saint-Esprit dont parle la Bible, tu sois n'importe où, à n'importe quel heure, c'est un allemand, tu vas partir de toutes les façons. Parce que Dieu ne peut pas retirer son esprit en toi et te laisser. On se comprend là, hein? Donc, là où nous sommes, si tu sais qu'il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit en toi, sache que l'allemand a lieu, tu ne partiras pas. C'est seulement simple. Et ce qu'on a dit d'après, par rapport à ce qu'on a dit à l'allemand, on a dit que l'allemand peut avoir lieu à tout moment, même maintenant. Comment faire pour avoir? Comment se trouver qu'on a le fin de même? Comment faire pour avoir? Frère, tu as bu la bouillie tout à l'heure. Oui. Là où tu me regardes comme ça, tu peux me prouver que tu as bu la bouillie. Mais là où tu sais que tu as bu la bouillie. C'est-à-dire que quand tu manges la sagesse, tu sais. Absolument. Vous savez que c'est la même personne qui répond chaque fois, non? Donc celui qui a bu, il sait qu'il a bu. Donc s'il reste à moi, il dit non. Un jour, tu as soif. Comment tu peux savoir qu'il soif? C'est moi qui sais si je soif ou pas. Frère, regardez-moi. Là où vous êtes assis là maintenant, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous savez en vous-même que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Ah, ok, il fait quelqu'un dit pour faire. Suivez attentivement. Il dit que là où vous êtes, déjà ton voisin ne te trompe pas. Dis si tu es pauvre en esprit, alors justement la promesse est pour toi. J'ai reçu qu'il y a la lumière qui voit votre visage et vos yeux pendant qu'il parle comme ça. Donc s'il n'y a pas le Saint-Esprit habitant à l'intérieur, tu saches que ce qu'on a de bavarder là, ça t'a pas venu t'expliquer. On t'avait dit que quoi là déjà? Donc le coup qu'on t'avait dit, que quand il va venir, il veut faire quoi? Tu dis que tu vas donner une tête là, bim! Oui, on m'a parlé. Le baptême de Saint-Esprit. Oui. Parce que j'ai appris que le baptême de Saint-Esprit, c'est pour parler la langue. Voilà. Donc tu vois, frère, dans les fuites, ta question, c'est venu finalement, n'est-ce pas? Dès qu'on règle ce problème, ça va l'inquiéter ici. Maman, qui t'a dit ça? Le pasteur. C'est dans le cours biblique qu'il a dit ça. Le moment de le baptême de Saint-Esprit. Je dis que quand personne parle en langue, c'est qu'elle a reçu le Saint-Esprit. Donc, tu veux qu'il parle alors maintenant, j'explique. Ce n'est pas ce que Dieu lui dit dans la Bible. Si le pasteur a dit ça, il a menti, d'accord? Il y a un verset dans la Bible. Il dit que quand Dieu reçut le baptême de Saint-Esprit, tu vas parler en langue. C'est dans le livre du pasteur, là, c'est que c'est écrit comme ça. Pas dans le livre qui est devant toi, d'accord, maman? Ouais. Bien-aimé, vous voyez où l'église se retrouve, à cette heure où l'église se trouve. Vous voyez où l'église se trouve, n'est-ce pas? Vous voyez où l'église se trouve. La prochaine séance qu'on va faire, puisque nous sommes préparés pour l'enlèvement, on ne peut pas quitter ce thème-ci sans savoir comment être prêt pour l'enlèvement. Qui sera enlevé? Les questions ont été répondues et comment remplir la condition. La condition signifie quoi? Non, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, si tu es baptisé du Saint-Esprit maintenant, la vie conséquente va suivre. On est d'accord, n'est-ce pas? Ce n'est pas qu'on essaie de vivre la vie sans être apparu à l'extérieur. On est d'abord avec le baptême avant de vivre la vie. Sinon, on sera en train d'essayer par soi-même, d'accord? Donc, il faut que ça soit clair, il faut qu'on examine. Maintenant, aucun verset dans la Bible ne dit que si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu dois nécessairement parler en langue. Aucun verset dans la Bible ne dit cela. Le but du Saint-Esprit. Donc, frère, il peut prêcher en même temps. Allumez-moi ici. Je disais même qu'on parle. Merci, regardez-moi maintenant bien. Le baptême du Saint-Esprit n'a pas pour but de parler en langue. Le parler en langue ne signifie pas que tu as non plus reçu le baptême du Saint-Esprit. D'accord? On se comprend? Voilà. Et moi, tu veux bien partir? Parce que tu arrêtes ton sac comme ça. Comme si tu disais que j'arrête. Donc on peut parler de l'enlèvement sans parler de toutes ces choses-ci. Il y aura l'enlèvement après cette année de tribulation, après cela va venir le retour du Seigneur Jésus pour juger les gens, frapper ses ennemis pour détruire tout là, entrer dans le millénaire. Subitement, le règne des mille ans va arriver et après cela, le trône de jugement va se passer. D'accord? Voilà, on rentre dans le truc. Mais on va tourner autour de l'enlèvement. Oui, frère? Dans Corinthiens, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur sur l'Esprit et Christ. Est-ce que tout ce qu'ils disent, Jésus lui est Seigneur, là, forcément l'Esprit? Dis à ton voisin qu'il faut comprendre le langage biblique. La Bible dit dans 1 Colossiens, dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1, que nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu veux lui dire que quoi? Tu veux lui dire Jésus est Seigneur. Je vais reposer la question à ton frère. Tu as le baptême du Saint-Esprit? Il sait, frère, il est de le regarder. Vous savez, il est de le regarder. Vous savez, vous voyez la réponse, n'est-ce pas? Même sans répondre, vous savez quelle est la réponse. Mais je crois que ce n'est pas le Saint-Esprit qui avait dit Jésus est Seigneur. Tu penses que quand Satan prend ce livre-là, il dit quoi? Hein? Attendez, je vais vous expliquer quelque chose là, vous. Si vous avez participé dans les gens qui chassent des démons ou les mystères, je vais vous expliquer quelque chose. Pour que vous compreniez ces choses. Avez-vous déjà vu un prix pour quelqu'un comme ça là? Quelqu'un est possédé. La personne tombe, si vous attendez, elle dit Jesus. La personne dit Jesus. Oui, la personne qui est possédée dit Jesus. Ok, puis si ça vous scandalise, je vais rentrer dans la parole. Parce que ça, c'est l'expérience. Je rentre dans la parole. Ma Bible me fait comprendre dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 10 en descendant, que plusieurs juifs, les seuls fils de Kéva, sont allés voir un homme dans lequel il y avait des démons. Ils ont commencé à chasser. Voici ce que le démon à l'intérieur de ces personnes leur a dit. Je connais. Je sais qui est. Qui prononce? Il prononçait quoi? Le démon prononçait quoi? Ça fait qu'il tombe, il commence un peu comme ça. Ok, je vais vous expliquer maintenant. Le nom Jésus, Yéhoshua, a été donné par un démon aux personnes que Dieu s'est choisi à un pour que derrière l'autorité de ce nom-là, il dit toute autorité dans le ciel, sur la terre a été donnée. Allez. Donc, si je dis allez, si à toi il a dit allez, tu fonctionnes, allez, si on a dit allez. Frère, je veux que vous sachiez la différence là maintenant. Il y a la différence entre dire je te chasse au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ceci, c'est la récitation. Les gens ici vont donner les mots de tête par la suite. Alors, lorsqu'il ordonne que va, mets la main, quand tu avances, si quelqu'un a dit va, cette personne-là, l'autorité dans va, est dans le sein de Jésus. Regardez Pierre. Je n'ai ni or, ni argent, à te donner. C'est que j'ai été donné au nom de Jésus-Christ. Comment ça s'est passé? Ce n'est pas moi. C'est la foi dans le nom de Jésus que son nom a rappelé. Son nom. Si vous comprenez. Donc, le prononcer le nom de Jésus-Christ, que, au nom de Jésus, que les démons chassent, vous allez le voir là-bas. Parce que ce n'est pas la récitation du nom de Jésus. Puisque eux-mêmes, ce qui me dit, c'est que plus eux-mêmes les démons appellent ce nom-là. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Je connais qui tu es. Tu es le fils du Dieu très haut. Vous parlez. Ce n'est pas le démon qui a prononcé ce nom-là devant lui. Je sais qui tu es. Il a dit à ceux-là que je connais qui est pour. Je sais qui est Jésus. Toi, tu es qui? C'est le démon qui fait ça. Il est pour ce qu'il va te tuer si tu tues. Le démon. Donc, parce que quand il y avait dit au nom de Jésus, qui devait vous quitter. Vous parlez. Si l'autorité ne vous a pas été donnée, vous ne pouvez pas marcher. Il dit si l'autorité n'a pas été donnée. Frère, tu peux même être envoyé à cette circonstance-là, il ne te donne pas cette autorité. Écoutez très bien. Luc chapitre 10, verset 19. Je vous ai donné autorité de marcher sur le serpent, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est ça? Et rien ne pourra vous nuire. Le chrétien est-il malade? La maladie vient de qui? Hein? Je recommence. Suivez-moi tout simplement. Je vous ai donné pouvoir sur tous les serpents, sur les scorpions, rien ne pourra vous nuire. Rien de cet ennemi-là ne pourra vous nuire. La maladie vient de qui? Les chrétiens peuvent être malades? Oui. Ok, ça veut dire que cette autorité fonctionne encore sous réserve de l'utilisation par Jésus. Je vous ai donné le pouvoir. Il faut que j'explique ça charnellement pour que vous compreniez. Voici, nous sommes assis ici. Voici une télévision quand quelqu'un dit que c'est sa télévision, il a volé. La loi dit que le policier doit, pour qu'il vienne, il a un mandat de juge qui doit venir pour ces choses-ci. Alors, le mandat du juge qui va donner au policier d'entrer, pour qu'il puisse entrer pour faire les investigations, est délimité par le temps, parce qu'il s'agit d'un cas spécifique. Quand il vient avec ce mandat-là, il présente, il fait ce cas, si ça passe, le lendemain, il peut venir avec le même mandat. Pourtant, il est toujours policier. Pourtant, il a reçu le mandat hier. Mais ce mandat ne fonctionne pas dans chaque cas. Il peut sortir de cette maison aussi, aller dans l'autre maison, que vous êtes rentré à Darès. Parce que le juge a donné telle chose. C'est-à-dire, pour chaque puissant de l'ennemi qui vient en devant de toi, c'est Dieu qui se réserve étant le maître autorité pour te dire instantanément ce qui doit être fait. Autrement dit, frère, ok, tu as reçu le don de guérison, oui. Ok, guéris toutes les maladies, on voit. C'est possible? Non. Ah, ça veut dire que vous avez saisi alors. Ça veut dire que malgré que j'ai le don de miracles, le don de guérison, je ne suis pas à même de décider d'utiliser ce don-là pour guérir n'importe qui. Alors, si je ne suis pas à même d'utiliser ce don pour guérir n'importe qui, ça veut dire que cette autorité qui m'a été donnée, c'est sous condition, sous son contrôle. Alors, avec, sache que je vais t'utiliser. Alors, voici ce qu'il veut dire. Sache que je vais t'utiliser à tout moment quand je le veux. Alors, quand il voit quelqu'un qui veut être qui désire guérir, que va vers cette personne, va guérir. Alors, son autorité fonctionne au travers des toits. Vous commencez à comprendre? C'est là que vous allez voir que les gens peuvent être guéris. On prie pour chaque personne. Certains sont guéris, certains ne sont pas guéris. Peut-être que ce n'est pas celui-ci qui a prié pour que la personne guérisse. Peut-être que la guérison viendra plus tard. Peut-être. Il y a parfois même qui utilise le même sang que tu n'es pas. Ça continue ça. Vous comprenez, frère? Ok. Donc, le nom de Jésus-Christ n'est pas l'amulette ou bien le charme qu'on doit réciter. Ce n'est pas ça. La première chose qui est sur le cœur, c'est observer d'abord dans votre cœur au plus profond de vous si vous aimez réellement Dieu. C'est d'abord la chose. Si vous observez, ou si vous aimez Dieu, si vous aimez Dieu, vous n'allez pas le chercher pour quelque chose. Si vous aimez Dieu, si vous aimez Dieu de la bonne façon, vous devez savoir que vous n'êtes pas fait pour l'enfer. Si vous aimez Dieu tout simplement, vous allez savoir que vous n'êtes pas fait pour l'enfer. Amen. Si vous l'aimez. D'accord? Donc ce qu'il faut pour le chrétien, c'est le baptême du Saint-Esprit. La sanctification est la porte par excellence pour l'obtenir. La sanctification est la porte par excellence. C'est-à-dire que lorsque tu es sauvé, c'est-à-dire que tu as été racheté par la parole, lorsque tu avances dans la sanctification, ça suppose que c'est la route par excellence pour obtenir le baptême du Saint-Esprit. C'est la route par excellence. Il dit bien, c'est la route par excellence pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Le véritable problème, c'est que les gens marchent dans la voie de la sanctification, ils y restent. Ils croient que peut-être, comme maintenant, par la grâce de Dieu, ils ne pêchent plus, ils disent que c'est ça. Non, il faut être incorporé. Comme par exemple, on a marché de l'Égypte jusqu'à Kadès Barnéa, on est à l'intérieur là-bas. La promesse n'est pas à Kadès Barnéa. Il faut franchir les deux jours de marche de Kadès Barnéa pour entrer à Canaan. Canaan est un symbole du baptême du Saint-Esprit du Seigneur. Tu comprends, frère? On n'a pas encore terminé, parce que je ne suis pas arrivé là-bas. Souvenez-vous, la pause qui est mise, on a deux titres, lorsqu'on lisait. Oui, j'avais une question là avant là. Parce que tu disais que avant le ministère et le temple serait reconstruit. Oui. Donc les Juifs vont reconnaître, c'est-à-dire les Juifs qui vont rentrer avant la construction du temple. Vous voyez, c'est-à-dire Dieu va leur donner de connaître la distinction de leur péché. Absolument. Absolument, frère. Absolument. Non, même maintenant, ils connaissent. Amen. Les gens qui sont dans ce temple-là maintenant, ils vous disent c'est parce qu'il n'y a pas les. Je vous projette seulement les vidéos. Vous voyez les prophètes qui sont là-bas. Les lévites qui sont là-bas, qu'on a préparé tous les ustensiles tels que Moïse, vous voyez dans l'Ancien Testament. C'est là. Mais si tu lui tournes maintenant, tu lui prêches la Bible, que l'on croit en Jésus qui va te regarder comme ça, comme un marabout. Il est en train d'attendre le Messie. C'est qu'il attend. Quand il lit la Torah, il voit que la deuxième est venue. Tu lui dis qu'il est là, venu, il ne voit pas lui ça. Parce que c'est voilé, comme je vous ai dit là. Donc, là, ce qui va venir là-bas, c'est Dieu qui a dit qu'il va les arracher. Ils vont sortir de tous les pays, de la France, de la Belgique, du Pakistan, partout où ils se trouvent, ils vont rentrer en Égypte. Ils vont rentrer en Israël, n'est-ce pas? Même du Cameroun, absolument, ils sont ici. D'accord? Le baptême du Saint-Esprit, c'est important, pas vrai? Très important. Donc, moi, le parler en langue n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas en parlant en langue. N'est-ce pas, moi? Voilà. Et comment ça se sentit dans les cœurs maintenant qu'on est fatigué? Ou bien j'avance, ou bien fais un autre point, on avance. C'est mieux qu'on arrête aujourd'hui, n'est-ce pas? Le frère en soi dit que oui. Okay, quand c'est Dieu, on ne se comprend plus. Vous voulez que je broche? Pourquoi vous voulez? Pourtant, il voulait que je broche. Dieu est sur le point de faire une chose glorieuse pour notre pays, dans notre pays et avec nous. Les gens qui s'est choisi avant la fondation du monde, il va les utiliser. Dieu est sur le point de le faire. Un jour, on sera en train de parler comme ça, ça va commencer. On ne sait pas quand, ça va commencer. Et quand il va allumer la bougie, on pourra passer la bougie et allumer tous les autres feux. Donc, Dieu va faire des choses terribles avec nous, au travers de nous. Vous êtes les artisans, certainement. Peut-être nous sommes en train de mettre des jalons comme ça pour que d'autres choses viennent bâtir dessus. Mais souvenez-vous, il faut que vous compreniez toutes ces choses-ci. Souvenez-vous, un homme ne donne pas le Saint-Esprit. Un pasteur ne donne pas le Saint-Esprit. Jean-Baptiste a dit que c'est lui-là, celui qui baptise du Saint-Esprit. Il y a une certaine personne qui le fait. Mais alors, je voulais qu'on regarde quelque chose. Oui. Dans le cas où les gens ont cru à Samarie. Oui. Et que les apôtres sont venus prier pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Les apôtres ne sont pas venus d'abord par eux-mêmes. C'est la première chose qu'il faut qu'on sache. Ils n'ont pas de désir à aller. C'est une injonction divine. S'ils veulent aller, l'apôtre, partout vous allez voir la manifestation du Saint-Esprit, il y a une injonction divine derrière. Même si c'est silencieuse. D'accord? Il dit même si c'est silencieuse. L'apôtre n'a pas décidé que vous n'avez pas le Saint-Esprit, prenez. Ce n'est pas ça. Il y a le Saint-Esprit derrière pour le faire. Sinon, il pouvait être capable de frapper n'importe qui à chaque moment. Ça veut dire que c'est un de ses attributs qu'il donne à certaines personnes. Non, il dit tout simplement que permets-moi de mettre la main là-dessus. Permets-moi de mettre la main. Voilà, donc allonge ta main, j'ai plus de temps. C'est ça. Je pose une question, frère, je vous pose une question, d'accord? Si j'ai le Saint-Esprit, avant que la Romaine ait fait, je meurs, on me met dans le carton, on me met dans la terre. Le Saint-Esprit qui était à moi est où? Vous avez compris la question? Je meurs là, avec le Saint-Esprit, avant de me mettre là, vous pleurez, vous pleurez sur votre problème. Mais c'est plus ça. Le Saint-Esprit qui était en moi pendant qu'il marchait, comme ça, comme il prêche là, ça se trouve où? Il sort. Il sort, attendez. Comment, frère? Non, non, attends, c'est bien différent. Je ne dis pas mon esprit, j'ai dit le Saint-Esprit. J'ai mon esprit et puis l'Esprit de Dieu habite. Ça veut dire que l'Esprit qui est en moi a mon esprit. Mm-hmm. Donc c'est mon esprit qui a un accord avec le Saint-Esprit. Oui. Et si je meurs, mon esprit avec le Saint-Esprit, ça me donne. Il prend où? Hein? Où? Dieu. Dans le Saint-Esprit, le monde vers Dieu. Avec ton esprit. Avec mon Dieu, avec Dieu. Ok, prenons un exemple encore. Quand un être humain qui n'est pas baptisé Saint-Esprit meurt, son esprit retourne où? Directement, puisqu'il appartient par Dieu, ça va son maître. Où? Ou père qui est le diable. C'est biblique ça? Voilà, donc il y a un problème. C'est pour ça que vous allez poser ces questions-ci. Le fait de confondre entre l'âme et l'esprit. Donc l'âme va vers le diable, l'esprit, tout esprit, que ce soit pour le sorcier, que ce soit pour le chrétien, retourne à qui? Voilà. Alors je repose encore la question avec cette compréhension. Si je meurs maintenant et que j'ai le Saint-Esprit en moi, le Saint-Esprit est où? Hein, frère? Il reste à côté de toi, il dit que ouais. Il attend. Hein? Le Saint-Esprit. Attends, le frère, attends, il dit quelque chose. Donc il reste en moi. On a enterré la tête sur le Saint-Esprit. On a juste envie de mourir. Le Saint-Esprit qui est en moi. Frère, il est où? Le Saint-Esprit est. Les bons noms vont prier. Les bons noms vont prier. Oui, c'est la question. C'est pour répondre. C'est la question. Notre question. C'est par rapport à ce que tu as dit. Oui. Ecclésiaste dit que lorsque le fil de l'homme est coupé, dans Éphésiens chapitre 12, le corps retourne à la poussière, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. C'est l'esprit des hommes. Si par exemple, on était donc à Jean-Baptiste qui avait l'esprit de Dieu. Oui. Donc, je crois que si l'esprit meurt, l'esprit là. L'esprit là va continuer à une personne pour continuer la mission. L'esprit d'Élie a fait comment? L'esprit de Jean-Baptiste, quand il est mort, s'est retourné à Dieu. C'est l'esprit du prophète. Pas le Saint-Esprit que vous avez parlé. Non, son esprit, c'est pas le Saint-Esprit. J'ai bien dit le Saint-Esprit parce que attendez, quand on a coupé la tête de Jean-Baptiste, on a coupé la tête de Jean-Baptiste, pas la tête de Jean-Baptiste prophète. Lui, sa tête n'est pas coupée. C'est pour ça que vous coupez votre tête là comme ça, le Saint-Esprit, sa tête n'est pas coupée dedans. C'est encore allongé dedans comme ça, il te regarde. Donc, Jean-Baptiste, lui, était prophète. Ce n'est pas le Saint-Esprit qu'il avait à l'intérieur de lui. C'était l'esprit du prophète, d'accord? Mm-hmm. C'est un truc pour savoir, c'est que quand quelqu'un meurt, plutôt son âme qui part au paradis, non? Absolument. Absolument. Et c'est le Saint-Esprit qui lui transmet. Non, le Saint-Esprit n'a pas besoin de voyager avec lui. L'âme va à sa direction. Donc, ce n'est pas le Saint-Esprit qui le prend pour aller là-bas. Quand tu sors, il y a les anges qui sont censés charger pour l'amener. Quand tu sors, il y a des anges qui portent tout ça pour l'amener. Ceux qui en mourant n'ont pas le Saint-Esprit. C'est le démon qui va s'en charger pour l'amener de l'autre côté. Donc il y a les anges dans les deux directions. Si tu as servi Satan, il dit ok, viens ici, tu nous appartiens. Il part te mettre de l'envoi à ta cellule. Si tu as servi Dieu, comme on voit ça dans le livre de Luc chapitre 16. Lazare est mort, les anges l'ont transporté dans le sein, d'accord? Question, frère? Le Saint-Esprit qui était. Hein? Non, mais j'ai posé la question pour que vous puissiez réfléchir. L'esprit était donné, cet esprit était donné à l'Église. Alors, quand il savait qu'un chrétien ne s'en va, le Saint-Esprit ne rentre pas près de terre. Il faudrait qu'il s'en va. Bon, ok, on va encore prendre ça. Je vais encore prendre ça pour que vous saisissiez. Je prends trois personnes, je prends vous quatre ici. À supposer que vous quatre, vous avez rappelé le Saint-Esprit. Hein? Non, je pose la question. Supposons que vous quatre, vous avez le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi, s'il sort, l'autre sort, est-ce qu'on peut les voir? Non, pas les deux. Alors, ça commence à poser le problème là-dedans. Je dis ici, si toi tu as le Saint-Esprit, il dit s'il sort ici, est-ce qu'on peut voir distinctement le Saint-Esprit ici et le Saint-Esprit, ici? C'est-à-dire donc quoi? Non. On ne peut pas le voir distinctement. Donc finalement, est-ce qu'il habite ici, ici, ici, ici? Hein? Je ne comprends pas, c'est pas le Saint-Esprit. Je dis que les quatre, s'ils ont le Saint-Esprit, si celui-ci meurt, parce que c'est ce que vous voulez me dire, vous avez dit que si celui-ci meurt, son Saint-Esprit sort, ça va dans une autre personne. C'est que j'ai dit que le Saint-Esprit a été donné pour que l'Église est sur terre. Oui, ok. Un membre de l'Église est mort avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit devient? Le Saint-Esprit qui était en lui, qu'est-ce qu'il devient? Puisque son Saint-Esprit, il n'a pas un Saint-Esprit distinct, le Saint-Esprit est unique. Donc quand il meurt, le Saint-Esprit qui était à l'intérieur, lui répond à la question finalement, il est où? Non, il ne peut pas rester dans ce corps et aller dans le temps. Donc, ok, le Saint-Esprit, fait comment, non? Il doit se manifester dans un temps. Donc, finalement, il sort de son corps pour aller quelque part. Oui, il ne pense pas dans un autre corps. Pendant qu'il est en train d'aller quelque part, sorti pour aller quelque part, il se trouve quelque part dans un autre corps. C'est le même Saint-Esprit. Oui, c'est pas ça. Parce que tu peux le prendre le poids là-bas, le poids le donne. Du coup, je vous secouer vraiment là, je vous secouer, oui. Ephésiens 4 dit qu'il y a un seul Dieu, un seul Esprit. Absolument. On veut dire que nous avons des manifestations du Saint-Esprit. Nous avons quoi? Des manifestations. À l'intérieur de nous. Oui. Non, les manifestations sont à l'intérieur c'est le Saint-Esprit. Les manifestations sont à l'extérieur, c'est pas ça? On dit que nous avons été appelés dans un seul Esprit, mais les manifestations qu'on voit à l'extérieur, c'est pour l'utilité commune. Donc ce qu'on voit à l'extérieur, c'est la manifestation. Lui, il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur du corps. Oui. Donc, il est à l'intérieur plutôt du corps de Christ dans tout le corps. Il n'est pas dans un corps, chaque corps. C'est-à-dire qu'il peut, est-ce qu'il est dans chaque corps, chaque corps, chaque corps, chaque corps, chaque corps? Non. Non, mais la Bible déclare que quand la coupe a imposé les mains, le Saint-Esprit descendu sur eux aussi, n'est-ce pas? Vous allez avoir des problèmes ici. Non, on va parler. Ce sont les questions. Justement, vous titillez, pourquoi vous réfléchissez? Oui. Quand tu meurs, le Saint-Esprit est avec toi. Donc, on enterre le Saint-Esprit. Donc, ça n'est pas grave. Les frères sont éveillés. Bon, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu dans le but de finir son travail avant de rentrer. Hein? Alors, lorsque quelqu'un meurt, lorsque quelqu'un meurt, ne continue pas comme ça, tu blasphèmes. Hein? Non, okay. La Bible dit que Dieu préserve toujours un faible reste, oui. Quelque part. Oui. Amen. Lorsque quelqu'un meurt, le Saint-Esprit est dans le faible reste qui est vivant. Oui, attends, il pose la question. Le membre là où l'esprit qui était à l'intérieur lui fait comment quand on veut l'enterrer? L'esprit qui était dans son corps. Dans le corps. Vous tournez, vous ne répondez pas. Je suis là, je marche là, il parle, il est à l'intérieur, n'est-ce pas? Oui. Si j'expire là, le Saint-Esprit que j'avais à l'intérieur de moi est où? C'est la question. Ça va continuer avec une autre personne, mon frère. En continuant, donc ça sort de moi. Après, c'est là. Tu as espéré, tu ne vas plus de moi. On va prier. On dit que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Qui? Avant que le Saint-Esprit est dans toi. Oui. Si tu ne reçois pas le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas dans toi, non? Oui. Et le moment que tu laisses la parole de Dieu, le Saint-Esprit quitte sur toi, non? Vous avez entendu les options, non? vous avez vu pourquoi on a besoin de réformer? Tiens, tu as besoin de réformer. Donc, c'est les telles choses comme ça qu'on enseigne, maman. Le problème, ce n'est pas toi, c'est les enseignements. Donc les gens pensent que Dieu peut donner le Saint-Esprit à quelqu'un, un jour il l'arrange. Quelqu'un va te demander que quand Dieu dit que ceux qui persévèrent, parce que nous, c'est la prédestination, nous croyons. Oui. Nous croyons qu'un prédestiné pas fait nous saluer. Oui. Parce que c'est pas le qui dit. Oui. Qui donc va le blasphémer? Qui donc? Pourquoi qui donc va blasphémer? Donc? Il ne donne pas l'ordre d'abord. C'est quand Jésus parle par contre blasphémer, il ne parle pas d'abord à l'église. Il parle parce qu'il avait guéri, ses disciples sont ici. Les disciples n'ont pas parlé quoi que ce soit. Ce sont les pharisiens qui ont dit ces choses. Les membres de l'église ne peuvent pas blasphémer contre Jésus. La première chose. La deuxième chose, c'est ceci, c'est que lorsqu'on dit, c'est pour ça qu'on a parlé dans Matthieu 24, là qu'on a vu les fonds en comble, lorsqu'il dit, celui qui se persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, ce n'est même pas d'abord à l'église qu'il est en train de le faire. C'est pas à l'église. Oui, frère! C'est vrai que le problème. Hein? Absolument, au sein. Ce n'est pas son épouse. On vient de voir ça. Ces jours, si ce n'était pas abrégé, personne ne serait sauvé. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Prenez un exemple, frère. Frère, viens. Nous prêchons l'évangile, pas vrai? Ouais. Ok, restons ici. Donc, toi et moi, on sort pour aller annoncer l'évangile. On trouve celui-ci qui n'a pas encore cru. Et tu veux le rassurer que maintenant, il a d'avoir la perdition. Tu veux le rassurer qu'on peut avoir. Est-ce que d'abord, tu crois que dans la Bible, le salut est instantané. Instantané. Est-ce que sur la tête, oui. C'est-à-dire que quand on croit, on l'a. Directement. Ah non, directement. Et le salut là, c'est quoi? L'acquisition de la vie éternelle. Évidemment. Ok. Ça veut dire que quand il croit là, il est sauvé. Oui. Ok, viens, viens donc. Dis au frère, c'est que tu as cru, tu es sauvé. Je vous parle du Sylvie, qu'il a cru qu'il est sauvé. Non, il dit que c'est pas, tu lui prêches, il croit, c'est que tu as cru. C'est que tu as prêché. Oui. Alors s'il croit, il est. Il est sauvé. Alors dans ce cas, s'il est sauvé, comment il faut qu'il persévère encore quelqu'un pour être sauvé? Il y a deux sauvés. Non. Je dis, il persévère en effet pour enseigner. Oui. Il persévère parce que je crois que nous avons été justifiés par le sang de l'agneau et on est saints. Oui. Maintenant, je crois que la sainteté extérieure que nous menons, ce n'est pas par rapport au salut. C'est pour ne pas être un petit achèvement pour celui qui peut-être nous regarde. Donc, toi, dans cet état de justification et de sanctification, tu es déjà sauvé. Je suis déjà sauvé. Ok, maintenant, dans ce cas, le verset, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire que ça, c'est pour le futur. Pourtant, tu as dit que celui-ci est déjà sauvé. Ou bien il est sauvé d'abord pour être sauvé encore à la suite. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? C'est tout simplement parce qu'on n'a pas distingué les gens à qui on s'adresse. C'est pour ça qu'il s'agit d'embrouille. Parce que la Bible déclare clairement. Dans Jean chapitre 5, verset 24, je vous le dis en vérité, ceux qui écoutent l'envoi, qui croient à la vie éternelle. Là, à la vie éternelle. Pas aura. Tu vois ça, frère? Par la Bible déclare que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il est incorporé. Tu as vu ça, n'est-ce pas? Maintenant, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés, n'est plus le même groupe. Donc, en termes clairs, simples, pour que tout le monde puisse comprendre, le sauvé dont on parle dans la persévérance, c'est sauvé par rapport aux tribulations qui vont se passer. Ceux qui vont passer par la préserver de la tribulation. Sauvé, c'est être préservé. Durant la tribulation, Dieu va les garder. Alors que ceci, le sauvé dont on parle par rapport à la persévérance, n'est pas le sauvé du salut. Parce que le sauvé du salut est instantané et c'est irréversible. Alléluia. Hein? Non, je vous donne ça beaucoup, le sommeil ne vous vient pas aux yeux, comme ça vous pouvez vous chercher. Regardez, ce qu'on a dit là, ce que le frère avec moi, on a parlé là, c'est les choses profondes ici. C'est ça que vous voyez, il y a deux groupes. L'autre dit que non, tu peux perdre ton salut. Tu peux perdre ton salut. Oh, le salut est prêt à être révélé dans les derniers jours. Vous voyez là, n'est-ce pas? Comment tu peux perdre le salut alors que tu n'as même pas encore physiquement? Et on l'a ça par espérance. C'est-à-dire que c'est ça, en train d'arriver. Tu peux perdre. Tu ne peux pas perdre quelque chose que tu ne possèdes pas. Donc, le salut dans la Bible, il faut qu'on fasse attention. C'est un exemple. Marc 16, c'est celui qui croira et qui sera baptisé. Est-ce qu'il est sauvé lorsqu'il croit et qu'il est baptisé? Ou bien quand il finit faire ça, il faut qu'il attende pour être sauvé à la fin. Vous voyez qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Ok, maintenant, je crois en Jésus, je suis baptisé. Je suis sauvé, oui ou non? Hein? Ah, je suis sauvé, oui ou non? Oui. Dans ce cas, pourquoi alors je dois encore, si je suis sauvé, pourquoi il doit encore persévérer pour être sauvé? Je suis sauvé et l'autre sauvé. C'est le seul bon sens, je voudrais que vous compreniez comme ça. Alors la personne qui est sauvée ici, elle est sauvée. Il y a une autre personne donc qui n'est pas sauvée ici, que c'est là-bas que ça va arriver. Alors, ça veut dire que le sauvé qu'on a déparé, c'est différent. D'accord, bien-aimé? Je vais prendre trois versets pour qu'on puisse lire quelque chose. Je vais prendre trois versets pour qu'on puisse lire quelque chose. Oui, vous voulez encore parler, frère? Non, j'ai dit que tu as expliqué ça tout à l'heure. C'est... Prenons 1 Timothée, chapitre 5. Verset 21. Vous dites, il veut que vous lisez quelque chose, tout simplement, il veut montrer quelque chose, il veut prendre trois versets. Quelqu'un peut lire? Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, et devant les anges de lui, d'observer ces choses sans prévention, de ne rien faire parce par le droit. Ne pousse les mains à ça va, sorte. Le verset 21. Prenez en raison encore, il veut que vous lisez doucement, surtout, c'est quelque chose qu'il veut que vous voyez. Allons-y. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, et devant les anges de lui, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Ok. Il conjure devant qui? Il conjure Timothée devant qui? Un. Devant Dieu. Deux. Trois. Les anges. Comment, frère? Les anges. Devant les anges. Vous avez vu? Distraction, tout simplement. On n'a pas dit devant les anges, on a dit les anges là sont élus. Il me voit notre ange Élie, c'est encore qui? Vous commencez à voir quelque chose? Faisons attention. Il veut justement dire que faisons attention lorsque la Bible parle. Regardons, descendons toujours derrière. Lisons un peu de Timothée. Chapitre 1. Je vais lire là pour que vous saisissez, d'accord, quelque chose. Observez. Je vais seulement lire et que puis vous me donnez l'interprétation, ce que vous me dites, ce que vous comprenez, d'accord? Moi, je lis, vous me dites ce que vous comprenez. 2 Timothée, cette fois-ci, chapitre 1, vous y êtes? Je vais lire versets 7 à 10, parce que je vais prendre 7 jusqu'à arriver au verset, regardez. Comprends ce que j'ai dit, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Selon mon évangile pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi, verset 10, c'est là où je voudrais vous amener, d'accord? C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Soulignez les élus là-bas. Vous êtes entouré. C'est incroyable. Vous avez dit 2 Timothée 1, verset 7. Pardon? C'est ce qu'il a dit, c'est qu'il dit, c'est dans le verset. 2 Timothée chapitre 2, verset 7 à 10, non? Comment? 2 Timothée, j'ai essayé d'abord de lire 1 Timothée chapitre 5, verset 21. Là, c'est fini, il dit 2 Timothée chapitre 2. Chapitre quoi? De 2 Timothée. Non, c'est chapitre 2, pardon, si vous êtes désarmé comme ça là. Chapitre 2. Donc, et je lui sens d'avancer, c'est chacun chez sa voix, il n'y va pas. Chacun chez sa voix. Donc, regardez verset 10. Il dit, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Il veut que vous entourez. Verset 10. D'accord? Je supporte tout à cause des élus. Regardez maintenant, regardez la façon dont on parle. Attends, fermez la Bible, regardez-moi comme ça. Ne fermez pas, mettez seulement la main là, vous me regardez. L'apôtre Paul dit qu'il supporte tout à cause de qui? Et on nous a enseigné que les élus sont les qui? Ceux qui sont à haute voix. Ceux qui sont sauvés. Ceux qui sont sauvés. Prédestinés. Prédestinés comment? Parce qu'il est prédestiné pour l'enfer, prédestiné pour la vie. Comment? Prédestiné pour la vie. Pour la vie. Sauvés, c'est quoi, comment? Prédestiné pour le salut. Pour le salut. Frère Michel? Ne lis pas Frère Michel, il dit que l'autre, c'est des gars, on le donne encore. Les élus, c'est des gars, c'est con. Comment? Les élus, c'est qui? Ceux qui ont été appelés par Dieu. Qui ont été choisis. Oui. Pour la vie éternelle. Maintenant, observons l'âme, d'accord? Regardez, lisons maintenant ensemble. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Alors, l'apôtre Paul dit qu'il supporte tout à cause de qui? Les élus. Qu'est-ce qu'il veut dire? Les élus, là, ce sont les qui? Ah, il se trouve où? Vraiment? Ok. Allons dans Romains chapitre 9. Ça me dit que par la parole de Dieu, si. Non, non, regarde bien. Il a dit ici, regardez bien. Ne permet pas ces 2 Timothée pour que vous compreniez. C'est là où je vais vous dire que lorsque vous allez voir élu chaque fois, c'est pour ça qu'il a pris quelque part où on a parlé de l'ange cette fois-ci. Pour que vous fassiez attention lorsqu'on en est les lire. Juste, au fur et à mesure, j'ai entré seulement votre intelligence à lire dans la Bible avec attention. Tout simplement ce qu'il veut faire. Donc ici on dit, il souffre comme ça dans son... Il dit, l'évangile qu'il prêche, ça lui pousse à avoir des souffrances dans sa chair. Il préfère supporter ça à cause des élus, afin qu'eux aussi. Or, lui qui en a parlé, il est dans l'église. Timothée qui en a parlé dans l'église. Ils ont déjà la vie éternelle. Il dit que les élus, il faut qu'eux, ils soient ici à le salut qui est en Jésus-Christ. Les élus. Il parle de qui? Il parle de ceux qui ont été prédestinés mais qui n'ont pas encore obtenu la fin du Seigneur. Ils sont où? Ceux-là, ils sont là obtenus, ils ont obtenu le salut. Mais ils n'ont pas encore grand, ils ne sont pas encore grand seulement dans le Seigneur. Ceux-ci ont obtenu. Parce que quand tu as Christ, pour que ça forme en toi, c'est seulement la connaissance que tu grandis. Ceux-ci n'ont pas encore rencontré. Mais pourtant, ils sont les élus. Regardez. J'ai dit quel livre là? On va lire la Bible là. Ok. Alors chapitre 11. Alors chapitre 11. Maintenant pour que vous voyez la chose, d'accord, mes bien-aimés. Regardez. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Je vais lire. Quand il va lire, maintenant vous allez comprendre de quoi l'apôtre Paul allait parler, d'accord. Celui qui a écrit dans le livre de Timothée là. Regardez. Romains au chapitre 11. Je vais lire à partir du verset. Romains chapitre 11 à partir du verset 13. À partir du verset 13. Regardez. Je vous le dis. À vous païens, en tant qu'apôtre des païens, je suis, vous y êtes, je glorifie. Vous y êtes? Je glorifie mon ministère. Je glorifie mon ministère. Afin s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Vous avez suivi ce que la Bible parlait de côté, n'est-ce pas? Les élus dont il parle à Timothée, ce sont les Juifs. Hein, nous avons la première chose, c'est que Clem, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Ceux qui sont du côté des chrétiens, ils ont déjà la vie éternelle. Ceux-ci sont élus. Et le marketing, il va dire que, de chapitre 9, on a lu la dernière fois, il a dit que, pour ce qui est de l'évangile, ils sont ennemis, mais ils sont aimés à cause de leur père, parce que ce n'est pas élection. Vous voyez là, n'est-ce pas? Mais ici, l'apôtre Paul dit qu'il désirait que chez les païens, que les gens, de temps en temps, viennent par rapport à ce qui est dans la justice, pour qu'ils viennent toucher la gloire qui s'en va. C'est vrai qu'ils sont élus, mais qu'ils viennent incorporer dans le corps. Oui, c'est pour ça qu'il a dit que. Il fait tout, il supporte tout à cause des élus. Donc, on tape n'importe comment, il intercède pour sa nation, pour sauver quelques-uns. Voilà, en prenant ces versets-ci, ce qu'il a dit dans Timothée, on commence à comprendre. Voilà, n'est-ce pas? Donc, les élus dont il parle, ce sont des Juifs. Maintenant, votre Matthieu chapitre 24 dit, il dit que si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, les Juifs, ça sera sauvé. Ça sera abrégé. À cause d'eux. Parce qu'il va préserver sa nation, il va descendre pour. Ah, il va écouter la tâche. Regardez combien d'années. Regardez combien d'années l'église a eu le temps des grâces et des persécutions. Et tout durant ici, il y a des persécutions et des tribulations. On a tué des chrétiens, c'est pendant plus de 1000 ans. Vous savez ça, hein? On a tué des millions de chrétiens là-bas durant des millénaires. Là-bas dans la période de grâce. Pour les juifs. Ah, les tribulations qui vont venir durant ces 7 ans-ci là. Les douleurs que le temps du monde a d'ailleurs pris, ça ne sera même pas commensurable. C'est-à-dire que le poids ne peut pas être mesuré. Voilà pourquoi Dieu a brisé ça en une semaine. 7 ans. Ouais, vous comprenez là, n'est-ce pas? Donc c'est à cause des juifs, la présence des juifs, justement, à cause de l'amour qu'il a pour eux, pour son intérêt, point. Il désire la paix en son sein. À cause de ça, c'est pour ça qu'il a brisé le jour que ce soit comme ça. Alors maintenant, quand les prédicateurs disent à cause des élus, non, c'est parce que justement à cause de nous. À cause de nous, comment abréger? Il a les dit par là que quand les juifs seront là, il sera aussi sur la terre. Il ne comprend pas ce qu'il a les dit. Donc, l'utilisation des élus dans la Bible est utilisée tantôt pour les chrétiens qui sont en Jésus-Christ et qui seront enlevés. Tantôt pour les juifs, le peuple juif que Dieu a connu d'avance. Tantôt pour les anges tels qu'on a vu. Tantôt pour Jésus-Christ lui-même en personne. Vous comprenez la France? Tata, il a été élu pour le chef de ce monde ici. Amen. Donc, je crois que vous n'aurez pas des difficultés à avoir cela maintenant. Lorsque vous voyez là maintenant, je vous ai dit qu'il y a 161 versets pour les trompettes. Il y a au moins 40 pour les élus ici. 44-45. Il y a 150 pour Sion. Il y a au moins 25 pour les venus du Seigneur et les trucs. Si je vais vous les donner maintenant, là, vous allez me fatiguer. Et vous d'abord, vous êtes parce que vous ne pouvez pas les noter. Vous permettez qu'un autre juge, je vous les donne. On vient ici, je vous donne d'abord ça en premier, vous notez, n'est-ce pas? Parce que voici ce qui se passe. Si tu lis trompette, il faut comprendre finalement en lisant tous les versets. Vous savez désormais que les trompettes ont telle fonction lorsqu'on parle dans la Bible. Soit pour convoquer la guerre, soit pour proclamer la victoire, soit pour cesser la guerre, soit pour convoquer les gens à la sainte adoration. Est-ce que vous saisissez? Soit pour envoyer les plaies. Vous catégorisez comme ça, quand on va commencer à dire quand la dernière trompette sonnera. La trompette sonnera, les morts en fait ressusciter tout premièrement. Tu vas commencer à savoir la différence entre les trompettes et les réunions. Pour réunir les gens dans le corps de Christ, pour être enlevé, donc pour proclamer le jugement sur la terre, la différence. Alors on va commencer à voir les différences entre les jours, le jour du Seigneur et le jour de Christ. D'accord? Lisons deux versets là avant d'arrêter, d'accord bien aimé? Merci Père. Ouvrez deux livres en parallèle, ouvrez Joël et Actes des Apôtres. Faites son courage, d'accord? Donc, la fête de l'enlèvement, c'est la prochaine fois. Je vais me focaliser particulièrement sur l'enlèvement pour les conditions de l'enlèvement. Je vous ai dit la condition primordiale sur le baptême du Saint-Esprit. Et c'est entre vous maintenant et Dieu. J'ai dit ouvrez deux livres, Actes des Apôtres et Joël. Actes des, chapitre 2. Voilà, voici, il va encore vous montrer quelque chose ce soir-ci pour que vous prêtiez attention de ces choses. D'accord? Actes des Apôtres chapitre 2, Joël chapitre 2. Vous y êtes? Ok. Lisons de verset 18 à 20, dans Actes des Apôtres. Verset 17 à 20, disons. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils le prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et les miracles en bas sur la terre. À haute voix. Du sable, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Lisons les versets 28 à 30. Allons-y. Versets 28 à 30. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Stoppons. Le Saint-Esprit dans l'apôtre Pierre citait Joël. Nous sommes d'accord. Lorsqu'il va arriver après que le soleil s'échangera, il va dire, l'apôtre Pierre dit que, il avait dit, le jour du Seigneur. Il dit, ce jour est grand et glorieux. C'est Pierre qui dit. Joël, lui, il a dit, c'est le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel. Un jour grand et terrible. Je vous lance le défi maintenant, les médias, c'est quand on avait dit là maintenant. Vous avez les deux versets devant vous, vous les avez lus. Pierre dit clairement que voici ce qu'a dit Joël. Il commence à citer, tout est en ordre. Arrivé sur le jour du Seigneur, de l'Éternel, il dit c'est le jour du Seigneur. Tu as vu ça, frère? Ok. Maintenant, il dit que ce jour-là, il donne la description. Il dit que ce jour est grand et glorieux. Pierre qui dit, Joël lui, il a dit que le jour est grand et terrible. C'est pas ce que vous avez dans la Bible. Les bons noms, on va prier, fermez les Bibles alors, frère. On va prier. Ok. J'ai joué là-bas. Là, c'est pas le sommet. Après, ça n'a pas le sommet. Voilà. J'ai joué du parler d'un jour glorieux, ça c'est pour les Juifs. Oui. J'attends le micro. Oui. Hein? C'est ça, je pense. Oh, tu penses vraiment, mais là, tu n'es pas sûr, donc mieux, oh, tu médites. Mieux s'il a dépensé, c'est mieux, il ne médite pas, vrai. Je vous avais vu qu'il a dit grand et terrible ici. On dit ici grand et glorieux. Tu n'as pas encore remarqué. C'est pour ça qu'il dit que vous allez lire la Bible autrement. Comment? Glorieux pour les uns et terrible pour d'autres. On peut prier. Père, nous te remercions, nous te rendons gloire pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour cette préparation, pour cette nourriture que tu nous donnes de distribuer pour tes enfants au temps convenable. Tu avais dit quel est ce serviteur que tu as établi sur les gens pour donner la nourriture en hein, temps convenable. Pour le temps est convenable, Père de gloire, afin qu'ils reçoivent cette nourriture, pour les préparer pour ta venue. Nous prions au Dieu de gloire qu'ils puissent assigner cette nourriture afin qu'ils soient au Dieu de gloire prêts à ta venue. Et qu'ils te reçoivent afin qu'ils ne soient pas cette autre marque de l'Antéchrist. Je prie, Père de gloire, que cette nourriture fasse en nous ce qui est en secret. Je prie par-dessus toutes choses, Seigneur de gloire, pour que nous allons prendre au sérieux tes avertissements, ta parole, et que tu fasses en nous ce que tu peux faire au travers de chacun de nous. Prends chacune des filles ici, Père de gloire, prends chaque cœur pour toi et manifeste ta gloire au travers des noms du Seigneur Jésus de Nazareth. J'ai pris au Dieu de gloire pour rendre les grâces tout ce que nous avons entendu. J'ai pris que tu te révèles en vous encore à chacun de nous ici. J'ai pris que tu donnes encore au Dieu de gloire de comprendre plus en vous pour ta parole afin de t'aimer et de servir comme toi, Dieu de gloire. J'ai pris au Dieu de gloire pour rendre le visage à chacun dans les nuits durant ces semaines. Je vous amène jusqu'ici. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, bien aimé. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse.